C'est fou! 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron viendra finalement nous résumer le plus récent Zone Campus. Et on fera une dégustation sobre dans une grosse pointe à l'adresse. Avec David Ferron. Eh bien oui. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 15 février 2018. On est à 71 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. On est bien aujourd'hui. Oui, quand même. Même niveau température, oui. C'est pas trop pire. Les fenêtres de vos voitures sont probablement givrées ce matin. Mais au niveau de la température, c'est comme une doux. Et ce matin, je te dirais que Mathieu, contrairement à hier, on dirait qu'on manque pas de caféine. Ça se peut. On était plus en forme, on a mieux dormi, peut-être. Peut-être. Peut-être. On racontera pas nos soirées. Mais non, là, quand même pas. Là. Je me suis fait toucher de partout. Ah, mon Dieu, ouais. OK. J'ai débouché la massothérapie. Ah, c'est ça. Je pensais que t'avais eu une soirée de Saint-Valentin. C'est assez mouvementé. Pense. Bref, hein, déprimons, non? Non, déprimons. Mais non. On devrait pas. Aujourd'hui, on a une bonne émission ensemble. Des gens vont venir nous rendre visite en ce lendemain de la Saint-Valentin. Tu sais que j'ai pas de gêne de secrétaire ou de, comment t'appelles ça, adjointe administrative, ouais. Peu importe le terme qu'on utilise de nos jours. Donc, j'ai pas tout à fait confirmé la chronique de Véronique Mire, mais c'est sa semaine, donc ça se pourrait qu'elle soit avec nous à 7h30 pour sa chronique Véroniclopédie. Donc, Véronique Mire. Ensuite, à 8h30, ça c'est confirmé, David Ferron va être avec nous pour parler du Zone Campus. Il devait le faire la semaine passée, on a manqué de temps dans notre émission du mercredi. Mm-hmm. On a parlé un petit peu le jeudi, mais à peine. Bref, donc David Ferron à 8h30. En fin d'émission, bien sûr, on va terminer tout ça avec une grosse pointe à l'adresse, notre dégustation sobre de la semaine, parce que c'est le mois 28 jours sans alcool. Mm-hmm. Hein? Et là, c'est à mon tour d'avoir traîné un petit produit. T'as amené un mousseux la semaine passée. Oui, exactement. T'as bien aimé ça. Tu l'as terminé, j'ai d'ailleurs. J'adore. Hein? C'est quand même la bouteille. Ça. Même la bouteille. Alors, ça, c'était l'extrême luxueuse. Mm-hmm. Je suis allé à l'autre extrême. OK. Indice. J'ai hâte de voir. Une grosse pointe à l'adresse vers les 9h30. Sinon, ta chronique s'en vient aussi, Tania. De quoi tu parles aujourd'hui? Eh bien, si vous vous rappelez, justement, hier, c'était la Journée mondiale de l'amour. Mmh. Alors, je vous ai fait une petite chronique sur les mauvais comportements à avoir en couple. Ouais. On va faire une espèce de continuité, considérant qu'aujourd'hui, c'est probablement la journée où partout, vous pouvez retrouver du chocolat en rabais. Ouais. Eh bien, je vais vous parler de l'avenir du chocolat aujourd'hui. Oh, intéressant. Ouais. Dans Tania is gonna entertain ya plus tard aujourd'hui. Voilà, c'est le plan d'émission. Maintenant, écoutons un petit peu de musique pour commencer ça comme faux. Hein? C'était la Saint-Valentin, tu l'as dit, hier. Mm-hmm. Donc, on va s'offrir en retard. Ponctuation avec fleur. Ah, assemblage requis. Mais juste une fleur. Juste une. Ouais. ponctuation avec fleurs à assemblage requis. Une seule fleur. Ça ferait pas une grosse liste si t'avais à les nommer, à leur trouver des prénoms, hein? Oui, en effet. Donc, on va établir une liste, mais de d'autres choses. Fleurs. Et voici son foutu palmarès. Palmarès, on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. On est jeudi. Jeudi est jour d'une grosse pointe d'allresse et donc ça m'inspire tout le temps à prendre des listes qui ont rapport avec la bouffe. Aucunement original. Comme. Mais une petite continuité. Ben, c'est ça. T'sais, on aime avoir de la suite dans les idées ici. Ça ressemble à ça. Ouais, quand on peut. Pas de temps oui, en temps. Oui, quand on peut. Aujourd'hui, on parle de cannes. De cannes, comme des canettes. What? Non. Ben, un peu, mais non. Et non, okay. Non plus des cannes de bonbons ni des cannes à pêche. OK. On parle de cannes comme dans Nouveau Boîte. Oui. A besoin d'une canne à ouvrir. Oui. On se comprend, une canne de conserve. Ben oui. Donc, on parle de nourriture qui peuvent venir en boîte de conserve, mais que vous ne saviez peut-être pas. OK. Ouais, si c'est le moment de peut-être se faire des provisions pour la fin du monde, t'sais, oui, c'est le moment, là. À chaque 3 mois, on annonce une fin du monde. Donc, 15 nourritures en canne ou en boîte de conserve. On va commencer avec des trucs comme la viande de renne. OK. Composante traditionnelle des plats scandinaves et des ragoûts. Donc, c'est de la viande de renne, l'animal, disponible pour achat dans des pays comme la Norvège et la Finlande. Wow. Mm-hmm. Est-ce que tu connais le haggis? Non. C'est fait à partir de ce qu'on appelle le ploc du mouton. Le ploc, c'est le cœur, le foie et les poumons. Rempli après ça d'oignons, de gruau, d'épices et de suet. Ça, c'est du bœuf ou du gras de bœuf ou de mouton. Ah, c'est le plat bon? National de l'Écosse, le haggis. Mmh. Ouais, les versions authentiques de ce pudding, hein, apparemment sont illégales aux États-Unis grâce aux régularisations, les réglementations de sécurité alimentaire. Mais dans d'autres pays, le haggis est populaire et on peut l'acheter en canne. Si t'as pas envie de le préparer toi-même, même l'image, ça a canne, a l'air dégueulasse. C'est marqué recette traditionnelle dessus. Miam, miam, miam, miam, miam. Ensuite, de la viande de chameau. De chameau? Ouais, les chameaux ont beaucoup de valeur au Moyen-Orient et pas juste pour comme moyen de transport. Hein. La viande est aussi quelque chose de délicieux là-bas avec le gras qui est en fait la bosse graisseuse là, qui est la partie la plus populaire du chameau pour manger. En Syrie et au Caire, ils sont spécialistes, les bouchers là-bas, du chameau. Alors que dans le Golfe, la viande de chameau est surtout mangée lors de parties et de réceptions comme des mariages. Ceux qui n'ont pas de boucher à leur disposition peuvent acheter de la viande de chameau en canne et faire des plats comme du camel chili con carne, donc du chili avec viande de chameau, des boules de viande, boulettes et des ragoûts. Oh. Ensuite, tu peux acheter en canne, là, pas en petit pot de plastique, le Saint-Hubert. Là. Ouais. En canne, tu peux acheter de la salade de patates. Oh! Oh! Salade de patates qu'on associe d'habitude avec comme un petit à côté, peut-être avec justement de la viande, quelque chose. Mais ouais. Nourriture américaine, une compagnie américaine nommée Seneca Foods Corporation vend aussi une version en bois de conserve de cette salade de patates allemande dans leur ligne de salade Red. Tu peux acheter celle-là, peut-être l'avez-vous vu passer sur Facebook si vous êtes là-dessus depuis longtemps. C'est le poulet en canne. C'est la chose, probablement une des choses les plus dégueulasses que vous avez vues si vous l'avez vu sur Facebook. Des poulets complets en canne. C'est la compagnie Bumblebee Foods qui est connue pour la production de thon en canne, entre autres. Mais leur produit n'est pas limité à ce thon-là qu'on appelle des fois le poulet de la mer. Leur ligne Sweet Sue de viande processed, entre autres, un poulet complet, complètement cuit en fait, hein. Complètement cuit, on peut juste le sortir là-dedans, le mettre dans le foudron, dans le four, peu importe. Ensuite, un autre quand même assez populaire, je dirais, peut-être pas populaire en termes de les gens l'achètent, mais populaire en termes de les gens en ont entendu parler, les cheeseburgers en boîte de conserve. C'est une compagnie allemande qui s'appelle Trick and Eat qui vend des repas déjà préfabriqués pour les gens qui aiment passer du temps à l'extérieur, peut-être faire du camping, sinon les athlètes. Ils créent leur propre version de fast-food, par exemple du cheeseburger en canne. Donc pour le faire cuire, on fait chauffer la canne dans de l'eau sur un feu avant de l'ouvrir et de simplement manger l'hamburger. Ah, bon. Délicieux. Il n'y a pas d'image, lui, sur la canne parce que pour vrai, là, une fois ouvert, là, j'ai vu les critiques de ça. C'est vraiment pas plaisant. Ouais. Des saucisses hot dog, ça me surprend moins. On a déjà tous vu des saucisses hot dog en petit dé là, dans du jus sucré là, en canne. C'est pas super impressionnant. Donc, Tulip Food, une compagnie qui est propriété d'une compagnie danoise, Danish Crown, et la marque du Royaume-Uni, Ye Olde Oak, vendent des hot dogs, des saucisses aux gens qui aiment leur viande en canne. Hein? Ye Olde Oak qui vend aussi des versions Fiery Chili et Barbecue, donc des saucisses barbecue et chili. Ensuite, justement, parlant de chili, en boîte de conserve, on peut s'acheter du chili de kangourou. OK. Ouais, il y a tellement de kangourous en Australie que les gens là-bas, les responsables, les écologistes et autres, ont demandé aux Australiens d'empêcher la surpopulation de ces marsupiens en les chassant pour leur viande. Wow. Et sinon, ben, aux États-Unis ou en Amérique du Nord, on peut échantillonner justement cette viande-là en commandant du Kangaroo Chili de la compagnie Dale's Wild West. C'est une compagnie de viande basée à Brighton, dans le Colorado. Ensuite, de la pieuvre dans sa sauce ancrée. Ouais. La pieuvre dans sa sauce à l'encre, oui, est utilisée dans des plats italiens comme le spaghetti al nero di sepia. Somebody touch my spaghetti! Mais ceux qui n'ont pas accès à la personne qui suit les mimes, hein, ces temps-ci, c'est quoi? Tu suis pas les mimes? Hey boy, non. Bref, ceux qui n'ont pas accès à ce fruit de mer peuvent commander une version en canne de ce délicieux plat d'une compagnie italo-américaine comme Vigo Foods. Ensuite, le confit de canard. Ce plat français fait à partir d'un canard complet. On peut facilement se le réchauffer dans une canne. Du canard, oui, oui. On peut acheter ça en ligne ou sinon même dans les magasins français ou les magasins gourmets, ils ont souvent ça, du canard confit en canne. Ensuite, de la viande d'alligator. OK. De la viande d'alligator qu'on peut faire cuire, qu'on peut manger dans les restaurants dans les États du Sud, comme la Louisiane, par exemple. Mais les gens qui ne sont pas en Louisiane, dans le Bayou, peuvent se commander de l'alligator en canne, en ligne, simplement comme ça, sur Amazon US. Ensuite, les tamales. Plat traditionnel, les tamales, qui peuvent prendre beaucoup de temps à préparer quand même. Donc, des compagnies comme Hormel Foods Corporation ont lancé une version en canne dans de la sauce chili pour les amoureux de la nourriture latino un petit peu et qui n'ont pas 5 à 6 heures pour assembler leur souper, parce que c'est ça, faire des tamales. Ben oui. Ah, de la tarentule est disponible en boîte de conserve. Ah! Ouais, les aventuriers de la nourriture, les foodies de l'original qui aiment leur repas un petit peu plus originaux que les autres peuvent se commander une canne de tarentule de gens comme Thailand Unique. Ces araignées qui sont considérées comme très très délicieuses dans des pays comme le Cambodge où on les mange directement frits dans un wok. Ensuite, ça c'est bizarre, le silkworm poupée. Hein? Poupée. Silkworm, en français, c'est une sorte de verre. Ouais, ça je l'avais. Un verre à soie, évidemment. J'avais déduit. Un verre à soie. Ugh. Ça va de soie. Donc, ces verres à soie, là, sont disponibles dans des magasins spécialisés asiatiques. C'est très populaire dans des pays comme la Corée. OK. On peut préparer ça en faisant bouillir ces verres de soie et en les lavant. Et ensuite, on les fait frire avec de l'assaisonnement. Et le dernier sur la liste, c'est les œufs de caille. Ah, OK. Des petits œufs de caille. Je savais pas que tu pouvais trouver ça en canne. Ben oui, je te jure, ça goûte un petit peu comme les œufs de poulet, apparemment, mais plus petits, avec des petits picots dessus et un plus gros jaune à l'intérieur. On peut trouver ça dans des magasins spécialisés asiatiques encore, ou sinon commander en ligne. Et on peut les faire bouillir pour avoir des petites collations aux œufs. On ajoute ça sinon comme garniture sur la nourriture quand on veut que ça goûte un petit peu les œufs. Pas pire, hein? Très pas pire. Ensuite, on va passer à une autre liste. Hein? On va y aller avec des choses qu'on savait pas qu'on pouvait faire dans son lave-vaisselle. Tu veux dire laver? Ben justement, non, laver sa vaisselle, c'est quand même un petit peu trop traditionnel. Non, mais laver des trucs? Laver des trucs, entre autres, oui, entre autres. Des choses qu'on peut faire dans son lave-vaisselle. Commençons notre liste. Il y en a quand même pas mal en faisant cuire du saumon. Hein? Hein, une utilisation très, très efficace de votre lave-vaisselle, peut-être. C'est selon une recette de Real Simple. On a besoin juste d'assaisonner deux filets de saumon avec de l'huile d'olive, du citron, du jus de lime, du sel et du poivre. Et ensuite, on va les sceller dans des emballages d'aluminium scellés hermétiquement. Ouais. Et on peut placer tout ça sur le dessus, donc dans la rangée du haut de votre lave-vaisselle. Et on passe un cycle normal, évidemment sans savon. Hein? Mm-hmm. Et ensuite, on enlève ça. Et ça fait un beau petit saumon. OK. OK. Voilà. Non? Je sais pas, ça a l'air le fun. Non, je suis pas convaincu pantoute, là. Pour l'essayer, tu peux même faire des petits légumes, toi? Ouais, non. Non. Tu pourrais rincer tes pétates aussi dans ton lave-vaisselle. Ah ouais, j'avoue. Ouais, la prochaine fois que tu ramènes beaucoup de fruits et légumes du marché, quelque chose comme ça, perds pas ton temps à les laver à la main. Mm-hmm. Rince-les. Hein, et mets ça dans la vaisselle. Tu mets les choses plus fragiles comme les tomates et les pêches dans le haut. Et tu mets les trucs plus qui peuvent en prendre comme les patates et les cantaloups en bas. Tu mets ton lave-vaisselle au cycle froid et tu passes un cycle de rinçage seulement. Évidemment, encore une fois, sans détergent. Je pense que j'aurais pas besoin de le dire à chaque fois. Hein? On peut faire cuire des légumes à la vapeur. OK. Brit & Co. qui a testé cette façon de faire. On place des légumes tranchés en dés ou peu importe, des fèves, des asperges, ça fonctionne très très bien aussi, dans un pot maçon. Puis on ajoute une tasse d'eau. On assaisonne d'herbes, d'épices, de beurre ou de citron. Et ensuite, on ferme ça. On met le pot maçon dans la rangée du haut de votre lave-vaisselle. On passe un cycle normal et ça devrait donner des légumes assaisonnés parfaitement dans ton lave-vaisselle. Ah ben, hey... On peut laver ses produits de maquillage dans le lave-vaisselle aussi. OK. Pars pas ton temps, là. Tu sais que ton pinceau, tes trucs à maquillage, des fois, ça fait une petite croûte, quelque chose comme ça. Ouais. Et laver ça à la main, c'est plate. À la place, tu mets tout ça dans la place pour mettre les ustensiles dans ton lave-vaisselle environ une fois par mois pour enlever tout ce qui est sec. Ah, c'est une bonne idée. Ça fonctionne aussi pour les coupe-ongles, les brosses à cheveux et les peignes. Peut-être pas en plastique. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Des gros peignes luxueux. Ouais. Ensuite, nettoyer. Celui-là, je l'apprécie particulièrement. Pas que j'ai un lave-vaisselle chez moi, mais je pense que si assez fou, on pouvait se procurer un lave-vaisselle, nos claviers en seraient que reconnaissants. Hein? Nettoyer vos claviers d'ordinateur. Oui. Dans le lave-vaisselle. Ouais. Ça pourrait être bien. C'est de la part de CNET, ce petit conseil-là. Même NPR l'a essayé, la radio publique aux États-Unis. Il donne à ça un pouce en l'air pour enlever tout ce qui est collant sur votre clavier. On dit de ne pas utiliser de savon, ne pas utiliser d'eau chaude, rien mettre d'autre dans le lave-vaisselle et ne pas utiliser le cycle de séchage chauffant. Une fois que le clavier a passé par le lavage habituel, on s'assure de le laisser sécher à l'air complètement pendant jusqu'à 3 jours avant de l'utiliser de nouveau. Ensuite, on peut garder la nourriture au chaud dans la vaisselle. Si t'as de la visite, quelque chose, t'as besoin de garder ta nourriture au chaud pendant que tu fais cuire d'autres choses dans le four, ben ton lave-vaisselle peut faire le travail en utilisant le cycle de séchage avec chaleur sans eau. Votre nourriture va rester bien au chaud jusqu'à ce que vous soyez prête à manger. On peut faire chauffer ses vaisselles quand tu veux te sentir hot comme dans un restaurant ou à la cafétéria avec leur vaisselle chaude. Là. Mm-hmm. Hein? Tu peux faire chauffer tes plats, tes assiettes. C'est parfait, ça. C'est tu vrai? Les gardes donc bien au chaud avant de les servir. Tu les places dans le lave-vaisselle avec le cycle de séchage avec chaleur allumée. Et puis, certains lave-vaisselles ont même spécifiquement un paramètre pour les assiettes, un chauffe-plat. Dans certains ben oui. lave-vaisselles. Incroyable. On va se créer de la place sous le lit avec le lave-vaisselle. Lorsque votre lave-vaisselle va finalement mourir, jetez-le pas. The Family Handyman nous suggère, en fait, que le rack du bas, qui est souvent avec roulette, mm-hmm. d'un lave-vaisselle, peut servir comme petit tiroir en dessous de ton lit. Ah ouais, si t'as un dessous de lit. Et si t'as un dessous de lave-vaisselle escamotable. Aussi. Quand même, c'est spécifique. Hein? Ensuite, on pourrait faire un organisateur de ruban ou de fil. Une autre façon d'utiliser votre vieux lave-vaisselle lorsqu'il est mort, on peut flipper le rack du haut à l'envers et ensuite accrocher ça dans votre salle de bricolage et utiliser ça pour mettre des bobines. La ficelle, des bobines, exactement. Ça pourrait être bien, tu sais, avec les petits pics là, pour les verres, entre autres. Pour désinfecter des choses ensuite, les jouets pour enfants remplis de bactéries. Ah mon Dieu, oui! Vos figurines, les jouets de vos chiens, animaux de compagnie, peu importe, le lave-vaisselle serait une très bonne place pour leur enlever leurs petits microbes. On place les plus gros jouets en bas, les jouets moyens en haut et les tout petits jouets dans le panier à ustensiles. Et pour éviter les accidents, on s'assure d'y aller avec un cycle de lavage délicat et d'éviter l'option par chaleur, ce qui pourrait faire fondre, évidemment, les jouets de plastique. Ensuite, les sprays à cuisson. La prochaine fois que vous utiliserez un spray à cuisson, un aérosol, vous pourriez utiliser la porte de votre lave-vaisselle comme bouclier. En ouvrant la porte de votre lave-vaisselle. Pardon? Ouais, en ouvrant la porte de votre lave-vaisselle complètement et en tenant votre plat par-dessus la porte en sprayant, tu vas éviter d'envoyer du spray ailleurs, mettons sur le plancher ou le comptoir, ça va l'envoyer sur le couvert de votre lave-vaisselle et après ça, quand tu vas le fermer, le spray va être dans le lave-vaisselle, il va se faire laver avec le reste. Ah, c'est un ouais. bouclier pour les dégâts. C'est fou quand même. Très bonne idée, celle-là. Excellente idée. Ouais. Ça pourrait être parfait aussi pour prendre des mesures, par exemple, de la farine. Mesure ta farine par-dessus la porte du lave-vaisselle. Quand t'as terminé, tu fermes le lave-vaisselle, ton dégât est dans la porte du lave-vaisselle, on s'en fout. Hein? Faire cuire de la lasagne, maintenant, dans le lave-vaisselle. Ouais. Les Mythbusters et Alton Brown, le chef reconnu, l'ont prouvé, c'est totalement possible de faire une lasagne au complet dans le lave-vaisselle. Donc, laissez tomber votre vaisselle sale, vos gros plats qui vont devenir tout collants. Faites ça directement dans le lave-vaisselle. C'est Part Select qui nous recommande d'arranger la lasagne directement sur un morceau d'aluminium. Et ensuite, de le plier très, très serré. On peut faire cuire de la lasagne, bien sûr, beaucoup plus rapidement dans le four et cuire des nouilles dans le lave-vaisselle. Ça va pas faire un petit dessus croustillant. Ça va pas faire fondre le fromage comme on l'aime. Mais bon, s'il faut être occupé à autre chose, hein, ou il est brisé. Ben ouais. Ou faire des tests, hein, c'est fun? C'est le fun de faire des tests. Très le fun. On peut préparer des queues de homard sans trop de difficulté aussi. Dans le lave-vaisselle, c'est la recette de The Sporkful. Qui est très très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est à prendre un homard déveiné et tout ça, sans ses coquilles et tout, là, la queue. On la coupe en deux, on la met dans un pot maçon scellé avec un bâton, un bâtonnet, comme on appelle, de beurre non salé. Complètement, là, le bâtonnet au complet. On envoie ça dans un cycle de lavage et puis on savoure un homard qui fond dans la bouche. Qui fond dans la bouche! Wow! On peut faire un petit jardin aussi dans son lave-vaisselle. Ah. À la place, encore une fois, c'est quand il est mort. Hein? Okay, ouais. Donc, une fois que votre lave-vaisselle a dit au revoir ou qu'il est presque à la fin, amenez-le dehors, remplissez-le de terre et faites pousser des légumes dedans. Ben oui. Il y a aussi les mêmes instructions pour un vieux réfrigérateur qui fonctionne avec n'importe quel électroménager qui a de l'allure qui ressemble à ça. Ensuite, on pourrait laver. Ah, ça, c'est bon. Ses souliers, ses sandales, comme les Français diraient. Leur tongue. Ouais. Des casquettes de baseball avec des taches de sueur, des souliers avec de la boîte dessus, du sable dans vos sandales. Lancez tout ça dans la vaisselle. Hein? Mais évidemment pas avec votre vaisselle. On pourrait s'arranger pour que les avocats deviennent plus mûrs dans le lave-vaisselle. Ouais, quelqu'un qui travaille dans un restaurant sur Metafilter dit le truc de son employeur pour forcer les avocats à mûrir, les mettre dans le haut de votre lave-vaisselle pour un cycle. Ensuite, on organise les ustensiles qu'on va utiliser pour écrire. Des fois, on appelle les ustensiles les crayons, des marqueurs, des trucs comme ça, des ustensiles scolaires. Donc, lorsque vous jetez votre ancien lave-vaisselle, vous pourriez garder le petit compartiment à ustensiles. Oui. Comme porte-crayon. Bonne idée. On gratte le fond du tiroir. Hey, c'est vraiment ça, là. Dans celui-là. Ensuite, lavez vos capes de roue. Ben oui, à la place de se pencher, ses genoux, puis essayer de gratter ça avec une brosse à dents. Je sais pas trop comment tu fais ça. Mm-hmm. Mais ça bref, ressemble à ça. Ben, ça ressemble à ça. Tu peux les enlever de la voiture et les mettre directement dans le rack du bas de ton lave-vaisselle. Hein, c'est pas pire, ça. Nettoyez vos fausses fleurs de plastique aussi. Oui. Il y a un petit peu de poussière des fois là-dessus, de difficulté à laver chaque pétale à la main. Lance ça dans le lave-vaisselle, dans le rack du top, du sommet, du dessus. Et puis, c'est tout. Ensuite, on peut commencer à faire de la peinture par spray aussi dans le lave-vaisselle. Lorsqu'on retire un vieux lave-vaisselle qui a terminé sa vie utile, on peut utiliser l'ensemble, le cube, pour faire des projets de peinture par spray dans son garage. Hein? Donc, tout ce que tu peinturerais et que tu ne veux pas envoyer sur les murs et partout sur le plancher, ben, tu le ferais dans le lave-vaisselle, tout serait contenu là-dedans et ça empêcherait les dégâts encore. Tu peux construire une génératrice qui va fonctionner à la main. Encore une fois, si ton lave-vaisselle meurt, mais que le moteur fonctionne toujours, tu pourrais survivre à l'apocalypse. Hein? OK. Ouais, ou même charger ton équipement électronique pendant que tu fais du camping. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, donc tu transformes le moteur en une petite génératrice avec le plan qui est dans les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Ensuite, laver sa vaisselle à la main. Attends un peu, tu me diras, attends là. Un lave-vaisselle, là, tu me suggères de laver ta vaisselle à la main. Si tu laves ta vaisselle à la main, t'as pas besoin d'empiler, évidemment, tes assiettes dans la cuisine, dans le lavabo, ça c'est évident. Mais tu peux les laisser dans le lave-vaisselle qui est vide pour les laisser sécher à l'air, à la place d'avoir un rack à vaisselle. Tu le mets dans le lave-vaisselle, ça sèche à l'air. Sinon, tu peux passer un petit cycle de séchage à chaleur ou sinon laisser juste une craque dans la porte pour laisser l'air passer. Donc, on s'entend que tu n'auras pas à utiliser l'électricité que ton lave-vaisselle prendrait. Bonne tu laves à la main, tu fais juste sécher dans le lave-vaisselle, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, c'est ça. Ensuite, il nous en reste un dernier. C'est pour nettoyer vos clés. OK. Ouais, t'as sûrement jamais lavé tes clés, en fait, dans la vie. Je pense que personne lave vraiment ses clés. Non, pas à part vraiment. Les gens qui sont particulièrement obsessifs, compulsifs. Mais c'est dégueulasse et c'est rempli de microbes. Les clés touchent beaucoup de surface, se promènent dans la sacoche, dans la poche, peu importe. On les échappe par terre, hein, etc. Il y a plein de trucs dégueulasses là-dessus. Pour les laver, on les enlève de ces porte-clés. On enlève les cartes de points, des trucs comme ça qui sont attachés après. On lance ça dans la vaisselle. Peut-être pas. On peut laisser le porte-clés, mais pas le petit porte-clés, mettons, en toutou ou en plastique. Après, le porte-clés de métal, ça fonctionne. Et on s'assure de sécher chacun très intensément après pour éviter la rouille, bien sûr. pour éviter la rouille. Voilà pour ça, et on va prendre une pause là-dessus. On prend une pause là-dessus. On continuera une autre fois. D'accord. Hein? Son petit palmarès, les notes sont sur assemblagerequis.com. Et pour te faire comprendre ma mention du mime de tantôt, Colin, c'est... Somebody touch my spaghetti! Ah! C'est mon mime préféré. Est-ce que tu l'as sûrement vu, celui-là? Hein? Somebody touch my spaghetti! Je l'adore, ce gars-là. Jamais vu ça. Je l'adore. On écoute To the Moon and Back par Fever Ray. Assemblage requis. Somebody touch my spaghetti! Avec To the Moon and Back à Assemblage Requis. Une qu'on aime jusqu'à la lune et chemin du retour. Comment on va dire ça? C'est Véronique Mire qui s'en vient après la pause. Qu'est-ce que tu nous présentes dans ta chronique, Véronique? Bien, je vais vous parler d'un petit, super stratégie pour battre le rhume dans l'œuf. Oui. Oh, dans l'œuf de caille. Quand ça commence. Ça, t'en partais à quoi faire. Après ça, je vais vous parler de tendances culinaires selon Ricardo pour 2018. Okay. Et de traçabilité alimentaire pour finir avec un tas de cochons. Hey, Colin, c'est du bacon. Du bacon. Du bacon. On reste là. Cifou 89.1 FM. FM. Toujours toujours dans l'émission matinale Assemblage Requis, accompagnée de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui. Véronique Mire qui vient d'arriver. Oui. On l'a entendu tantôt un petit peu, mais là, elle est là pour vrai. Véronique Mire, c'est le moment de sa chronique, la Véroniclopédie. Donc, on s'approche de l'eau pour se mettre dans le bain. Hein? Véronique Mire qui est avec nous, enfin, ça fait longtemps qu'on s'est pas là, vu. Ça fait un mois. Ça fait un mois. Ben oui. Ça fait un mois. Ça passe vite le temps, hein? Ben oui, mais hein, ça passe vite, mais on en profite quand t'es là. Hein, et là, ben je pense que t'es là. Je suis là. T'as l'air là pas mal. Pas mal de sujets pour nous dans une formule véroniclopédienne. Oui. Donc on tourne les pages puis on tombe sur des sujets qui n'ont pas vraiment de lien ensemble. Non, pas tout à matin, ben un petit peu, mais... On des fois, il faut les forcer, les liens. Ben, en fait, le premier avec les autres n'a pas rapport, mais les trois autres ont rapport. OK, quand même, OK. C'est pas super. On commence par quoi? Ben, comment battre le rhume dans l'œuf? Tu sais, quand ça commence. Quand ça commence, j'ai trouvé une petite stratégie que je trouvais intéressante, là, en tout cas, pour essayer de tout de suite tuer ça là, avant que ça s'envenime. Vous, avez-vous des trucs par rapport à ça? Ça commence. Pas quand vous avez le rhume, là, comment vous en remettre, là, mais casser la patente. Là. Avant, je prenais des casse-grippe. Ouais. Pas sûr que ça fonctionne tant que ça. On dirait que tu sais pas, parce que tu sais, le rhume arrête peut-être, mais est-ce que c'était à cause du casse-grippe ou parce que c'était pas vraiment un rhume? Ben moi, ça fonctionne. Ouais? Moi, ouais. Je commence à prendre du sirop bête bonheur maintenant, aussitôt que je sens les premiers symptômes. Là. Ben mais ça dure 3 semaines tes affaires, toi, avec du sirop. Ouais, ça dure 3 semaines, mais les symptômes sont bien moins pires qu'ils pourraient être si j'ai laissé aller. Ouais, mais t'as le rhume pareil. Oui, mais t'as tout le temps le rhume, parce que ça, le rhume, il peut pas mourir là, en tant que tel, c'est ça? C'est calmer les symptômes. Est-ce qu'il peut mourir, le rhume? Ça, je peux pas te dire. On est pas médecin. Ben, je pense que oui. Il y a un bon 7 à 10 jours avant que ça s'en aille. Là. Ouais, c'est ça. Normalement, là. Mmh. Ouais. Ben oui. Sauf que ça se transforme en autre chose. En streptocoque, comme moi. Ben comme oui. Tout le temps. Maudit, ou en sinusite, dans mon cas. Oui, c'est souvent ça. Bon shit. Moi, mon truc, c'est l'hydratance. Aussitôt que je sens que j'ai un peu mal à la gorge, le nez, là, qui passe-moi toujours le nez, là, ouais, moi aussi. Ben, je prends de l'hydratance matin et soir. Ça, c'est toujours bon, même quand t'as pas le rhume, de toute façon, pour te nettoyer. Si t'as des allergies, entre autres. J'ai continué à toucher du bois, mais j'ai pas encore eu le rhume depuis les fêtes. Faut pas que tu le dises, parce que non, moi, je dis rien pendant tout. Mais quand fait bien sec, par contre, des fois, là, comme à ces temps-ci, ben là, c'est moins pur, mais en tout cas, quand on met beaucoup de chauffage, l'hydratance peut nous faire saigner du nez. Faut voir. Ouais. Mais bon, comment tuer le rhume? Bon, dans l'œuf, c'est sûr qu'il y a plusieurs trucs, là, mais j'en ai trouvé une stratégie que je trouvais quand même intéressante parce qu'elle est détaillée en fonction du temps. Fait que je me dis, hey, wow, ça va être fun. Fait que tout de suite, là, quand tu sens que t'as le petit tingling dans la gorge... On le connaît tous. Tu sais, que tu te sens pas très bien, tu te dis « ouais, je suis moche ». Bien, c'est sûr que la première affaire, c'est vraiment de s'hydrater le plus possible. Mm-hmm. Là, tu sais, dans le tout de suite maintenant que tu t'en rends compte, là. Fait que boire de l'eau, du thé, du jus, ça aide à éclaircir le mucus que notre corps produit quand on est malade. Fait que quand il est plus mince, ben c'est plus facile de nettoyer notre système. Donc, je vais vous donner des trucs, puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est pourquoi qu'on fait ça, dans le fond. Après ça, ben se gargariser avec de l'eau salée. Ah, ça, c'est un bon vieux truc. Mais tu sais, quelle quantité? Des fois, on se demande de mettre. Mais pas la salière au complet. C'est ça, tu sais, que tu brasses puis il reste tout le temps un dépôt dans le fond. Non, ça, c'est un petit peu trop. Ben dans une tasse d'eau tiède chaude, là, mettons le plus chaud que tu es capable de tolérer, une demi-cuillère à thé de sel. Donc, pas plus que ça. Ça aide à éliminer les bactéries et les virus. Donc, ça, encore là, ça nettoie le mucus et les irritants. Puis surtout, ben, ça apaise la gorge parce que quand on commence à avoir un rhume, il y a de l'inflammation qui se crée dans la gorge. Donc, de l'eau. Hein, de l'inflammation, c'est quand il y a un surplus d'eau. Ben, le sel vient drainer cette eau-là. Ah, ça a du sens. Ben, c'est pour ça que les sinus rinse, les hydrasens, les petites théières dans le nez, les nettis, c'est de l'eau salée. C'est tout ce que c'est. Oui, exact. C'est juste que tu payes le prix. Il faudrait habiter sur le bord de la mer. Mais avalez pas l'eau avec le sel. Non, c'est pas tant délicieux. C'est pas recommandé non plus. Oubliez pas de mettre votre sel dans votre petit nettis. Si vous faites la théière ou les trucs avec de l'eau dans le nez, s'il n'y a pas de sel, l'eau, non. Ça fait vraiment mal. Ah! Le sel vient enlever la sensation de brûlure. Donc, quand tu mets pas de sel, juste de l'eau dans ton nez, ça fait exactement comme quand tu prends de l'eau dans le nez dans la piscine. Ah, ça chauffe pendant une demi-heure. Ah, c'est Faites-moi confiance. Ne pensez pas que je dis n'importe quoi, là. Puis ceux qui vont dans le sud, là, puis qui ont le rhume, ben, tu sais, tombez pas, parce qu'on m'avait fait cette blague-là une dernière fois, là, que je me sentais un peu moche avant de m'en aller en voyage. Ben, tu snufferas de l'eau de la mer, tu sais, mais ben, ça n'a rien à voir, là. Non. Parce qu'il y a des bactéries et compagnie, donc c'est on ça. Fait pas ça. Puis le dernier truc, dans le tout de suite maintenant, là, quand vous sentez les premiers symptômes, ben, c'est de prendre une douche bien chaude pour l'humidité chaude qui libère les voies nasales. Ou spray naso, si qu'on recommence, dans les premières minutes. Dans les 2 heures qui suivent, de prendre une bonne cuillère de miel. Miam! Non, c'est quand même pas encore trop pire comme recommandation. Oui, c'est ça. Ça est-ce que je peux prendre du sirop d'érable? Mais non, c'est pas, pas la même affaire, Mathieu. Mais je peux prendre les deux. Mais c'est pas parce que c'est... Ben non. Pour le goût, sirop d'érable, ben, avec du miel pour moi. Ben, si tu veux, pour le fun, prendre du sirop d'érable, ben tu oui. peux. Mais le miel, c'est bon parce que c'est un antibactérien. Ça couvre la gorge, ça apaise, ça aide à maîtriser la toux. Si jamais on a... Des fois, là, on a comme un raclement de gorge là, qui gratte. Oui. En fait, pas un raclement de gorge, ça, c'est dégueu. Mais la gorge qui gratte. On a une émission le vendredi après-midi, raclement de gorge. Pour vrai? Avec Alain Lafayette. Donc, c'est rock classique, je pense. Oh! Et... prendre des antihistaminiques comme Benadryl ou Claritin. Les médicaments pour les allergies, ça fonctionne pour ça, c'est fait pour ça. Oui, exactement. Donc, dépendant d'où vous en êtes dans votre journée, quand vous sentez les premiers symptômes, ben, ça serait bien de les prendre sans somnolence si vous avez votre journée à toffer. La plupart de nos jours, les plus récentes générations de médicaments pour allergies sont sans somnolence. Si vous allez dans les anciennes générations, là, ils les vendent encore parce qu'il y en a qui les achètent. Là. Ça, c'est, ça endort énormément. Ah oui. Dans les 6 prochaines heures ensuite, donc pour le reste de la journée, si vous le pouvez, prendre du repos. Idéalement, quand on se rend compte que ça va pas bien, pour avoir l'énergie nécessaire pour guérir. Puis, on recommande d'éviter les contacts avec les collègues parce que dans les débuts d'un rhume qu'on est le plus contagieux. Ouais, donc, même si on n'est pas sûr, c'est là que c'est le pire. Continuez de boire 2 litres par jour quand on est malade, qu'on devrait boire. Donc, c'est pas mal d'eau. Normalement, c'est 1,5 litres, donc 8 verres de 250 à peu près. Faire un très léger exercice, comme aller prendre une petite marche dehors ou faire un peu de yoga pour booster le système immunitaire parce que ça active la circulation sanguine. Donc, tu sais, on a la tendance naturelle, quand on est malade, à tout faire au ralenti, moins bien. Ben un petit exercice de plus, une séance de stretching, là, juste pour activer la circulation. C'est un bon coup de pied boosté dans le péteux. Fais ton ménage, au pire. C'est oui, assez, ça. On l'a vu la dernière fois, ça dit pas mal. Ben oui, ça active ça, les calories, bien, en plus. Mais refaites-le après le rhume, hein, parce que les microbes, puis tout ça, puis les Kleenex dans les poubelles, puis tout ça, c'est j'avoue. Pas chic-chic, puis, mettons que tout ça, ça s'est passé dans la journée, vous avez constaté que vous alliez mal le matin, bien, le soir, idéalement, aussi, manger un bon repas équilibré pour avoir des bonnes vitamines et tout ça. Se coucher tôt, parce que la quantité de sommeil est relative, par personne. Mais pour avoir une réponse du système immunitaire puis stimuler nos cellules combattantes, ça prend 7 à 8 heures de sommeil. OK. Donc, c'est un minimum. Fait que ça, c'est quand on a le rhume. Tu sais... Le lendemain, ben on répète tout ça. T'sais, on s'hydrate le plus possible, on se gargarise, on reprend une bonne douche chaude, la cuillère de miel, l'histaminique, tout ça. Mais si vous constatez que vous êtes pire, là, c'est peut-être la grippe. Fait que c'est pas la même bataille. Ouais, non, là. C'est ça. Donc, à suivre. Dans le truc autre, les fameux thés citron et miel. On peut rajouter du gingembre aussi, là, si on veut. Oui. Les néocitrons, qui sont un peu le même genre, mais encore plus médicamentés. Ouais. C'est tellement pas bon au goût, ça fait. Il y a des bonnes saveurs. Des néocitrons, ça goûte le citron, mais ça goûte la poudre. Hey, il n'y a pas juste au citron, il y a d'autres saveurs. Néocitrons. Magazine. Il y a la saveur de pâte à dents, il y a la saveur de... Ouais, de sirop plateau. C'est ça, toutes les bonnes saveurs. Saveur de sel. C'est ça, miam. Non, mais quand... C'est efficace, quand j'étais au cégep, c'est ça que je prenais dans le temps. T'sais, maintenant, je prends plus des tisanes, du thé et compagnie. Parce que l'eau et la vapeur chaude, quand on boit le thé, ça stimule les cilia, les petits poils là, qu'il y a dans le nez. Ah oui! Qui fait que ça aide à déloger les germes. Ils ont des noms, efficacement. Des cilia. Cilia. Oui. Puis le citron clarifie le mucus et le miel, ben comme on l'a vu, ça apaise et c'est un antibactérien. Un médecin il recommande quand on passe près d'une personne qui tousse ou qui éternue, mais tu sais qui est mal en point, pas juste parce qu'il est allergique ou quelque chose. Coup d'œil, couille. D'expirer subtilement jusqu'à être en dehors de la zone des 6 à 10 mètres. T'as peu, comment? Hein? Ouais, mais tu sais, pas d'inspirer à côté d'elle direct parce que là, clairement, il y a plein de. Tu sais, si t'imaginais toutes les burques là, qui se promènent autour d'elle quand une personne qui tousse ou qui éternue sans coude, là, on s'entend. D'expirer, là, pas d'inspirer, en fait. Ouais. Tant que t'es dans la zone des 6 à 10 mètres. Tu expires. Ouais. Et là. Tu t'es éloigné, tu sais. Non, mais j'imagine tellement, genre, un pas à droite. Un pas à droite, un pas à droite, jusqu'à temps que tu sois assez loin. C'est pour ça que je dis, c'est un truc que j'ai lu ça, puis je me disais, Oui, mais en tout cas, tu sais, pourquoi pas? Pas un subtil. Truc parmi d'autres. Ouais. Fait que, puis tu parles, parle-moi plus. Ouais. C'est assez comique. Va chercher ton porte-voix, non? Il va envoyer ses microbes ouais, dans l'air. Ouais, c'est ça. Quand même, hein? Fait que ça serait la zone critique, là, le 6 à 10 mètres. Bain de vapeur, de Vicks, mm-hmm. tu sais, ou d'eucalyptus. Ouais. Mm-hmm. En prévention de tout ça, c'est sûr, se laver souvent les mains. Oui, ben oui. Très important. Ça devient obsessif. 10 secondes au moins, rincer, puis l'eau froide, ça change rien. Hein. Eau chaude, eau froide. J'ai entendu dire ça, hein? C'est, l'important, c'est de savonner. Il fallait que ce soit beaucoup plus chaud pour être vraiment efficace pour ça, des microbes. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'on pourrait pas tolérer ça. Considérant qu'un collègue qui est malade, il contamine le bureau pour 2 heures. OK. Ces petites bactéries, là, ils vivotent là, pendant 2 heures sur les surfaces. Ils pataugent. Donc ça, c'est quand t'as le rhume. Quand t'as la grippe, je sais pas si c'est plus long, mais en tout cas... pas de ça qu'on parle, bon. Ouais. aussi, si c'est possible, où est-ce que t'es? Mettons que tu peux pas rester chez vous, ouvrir une fenêtre pour faire circuler l'air. OK. Ben, en temps normal, là, tu sais, ça, c'est bon de dans changer la vie, l'air. En général, là, en fait. Ben oui. Puis, en prévention, toujours, éviter de se toucher le visage. OK. Ah ouais. On fait beaucoup ça. Combien de fois par jour pensez-vous qu'on se touche le visage en moyenne? Beaucoup trop. Ouais, 100 fois. 100 fois? Moi? 350? 350? Hey, oui, s'en c'est 3 à 5 fois par minute. Ouais. Fait que c'est quand même, tu sais, moi je le fais très, très, très souvent. Là. L'important, c'est vraiment toute la zone nez-bouche, là, autant que possible, d'éviter. Surtout nous qui portons des lunettes, on a tendance à encore plus se toucher le, peut-être le nez ou le front. Oui. Donc voilà pour combattons le rhume dans l'œuf. Maintenant, hey, moi j'aime ça la bouffe. Ben fait oui, que, aussi. Culinaire et compagnie. Puis une de nos institutions au Québec, à part Jeanne Benoît, ben c'est Ricardo. Oui, Ricardo. C'est qui ça, Jeanne Benoît, non? Ben c'est ancien, là. C'est pas Sœur Angèle, ça? Non, mais c'est dans les premières qui ont fait des livres de cuisine. Ouais. Ben je veux dire, tu sais, qui étaient partout dans les maisons, là. Mm-hmm. Donc, Ricardo, ben, on en entend beaucoup parler. Donc, il a sorti dans son magazine de décembre et janvier les tendances culinaires pour 2018. Mm-hmm. Faire juste un magazine aux 2 mois, déjà? Et quand même. Fait qu'il en a nommé 15. 15, OK. Donc, pourriez-vous m'en nommer quelques-unes? Qu'est-ce que vous pensez qui va être hit populaire pour de cette année? Je me rappelle que Tania en a parlé un petit peu de ça. C'était quoi déjà? Ah, t'as fait... Mais pas toutes, là, mais un peu. Ah, j'avais posé la question. Ouais, je sais, mais c'était avant. Ça fait longtemps que tu m'en as parlé. Elle a eu fait une chronique par jour depuis ce temps. Ben, tout ce qui est locaux. Ouais. Ah ben là, c'est faussé un peu, par exemple. Ouais, c'est faussé. En vrai, là... Le... Dis-moi le sirop d'érable, s'il te plaît. Je suis obsédé par le sirop d'érable. OK, on va faire un petit refresh. Alors, la première, c'est plus de soucis quant à la consommation de la viande. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. De façon générale. Donc, on se soucie davantage des aspects éthiques, comme le bien-être de l'animal, être sûr qu'il va bien, qu'il est bien traité, qu'il peut aller dehors, s'il peut. On va écrire le nom, je pense, de l'animal sur l'emballage aussi. Ah non, pas nécessairement. Les aspects environnementaux aussi, donc 14,5% des gaz qui sont responsables de l'effet de serre sont produits par les gros animaux, mm-hmm. Qui produisent beaucoup, beaucoup de méthane. Mm-hmm. C'est vraiment un des gaz qui est les plus nocifs. Et tout ce qui est santé lié à la consommation de viande, donc on sait que maintenant, maladies du cœur, diabète de type 2, obésité et certains cancers sont causés par la consommation de viande rouge. Facteur économique aussi qui rentre beaucoup en ligne de compte parce que c'est, les prix ont boosté là, pas mal dernièrement. Une poitrine de poulet à 7 ou 8 $ là, c'est quand même pas rare. Pour se gâter, c'est cool, mais tu sais, à tous les jours, ça commence à être cher. Ouais. Donc, on va essayer de choisir avec plus de soin, d'utiliser des bonnes stratégies pour optimiser comment on utilise la viande en cuisine, puis de tendre vers d'autres options comme des protéines végétales ou à grains entiers. Il n'y a rien qui empêche de faire des mélanges aussi. Tu peux te faire de la viande avec du tofu dedans, puis ça fait que tu vas... Ça va avoir 2 fois plus de viande, dans le sens que ça va durer 2 fois plus longtemps. Ben oui, mm-hmm. Pas obligé d'être extrémiste, là, vegan. Non. T'sais. Puis justement, dans cette ligne-là, la deuxième tendance, ça va être encore plus de légumes. Oui, ben oui. En 2018. Fait, ça, c'est juste des tendances. Ça, c'est ce qu'on pense qui va être populaire. Mais quand même, là, en fait, c'est probablement aussi ce qui... le pouvoir de la suggestion, tu sais. Tu aussi, dis que ça va être populaire, les gens vont faire « Ben, Colin, je vais le faire. » Ça devient populaire parce qu'on l'a suggéré aussi. Ou parce que dans la dernière année, ça s'est vraiment très démarqué. Sûrement les deux. Ouais. Donc, plus de légumes qui sont plus juste un accompagnement, ça va vraiment être la place centrale. Puis, on remplace l'expression du museau à la queue par de la racine à la feuille. Oh, wow! Mm-hmm. C'est donc, cute, c'est intéressant comme expression, je trouvais. Local, comme Tania, tu disais tantôt, mais là, plutôt que juste manger local, ça va être boire plus local. Donc, encore plus microbrasserie, cidre québécois, vin québécois et compagnie. Donc là, ça, c'est très présent, mais ça va être encore plus acheté. OK. Le cal vient remplacer le kale dans les meubles. Oh! Tudum-tum-tch. Le do-it-yourself culinaire aussi pour 2018. Donc, tous les projets culinaires d'envergure, comme faire des conserves, bon, déjà, ça, c'était quand même popé. La germination, la fermentation, le kimchi, là, de plus en plus populaire. Le fumage, le jardinage urbain, faire son levain pour cuire son propre pain à la maison. Donc, dans le souci de savoir exactement c'est quoi qu'on mange, ben oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on met dans notre bouche. Et d'ailleurs, Ricardo propose une recette de fromage à la crème. Maison. Ouh! Fait que tu vois, c'est intéressant. Ah, ben oui. Et comment faire son propre tofu aussi. Fait que, en tout cas, tu sais, quand on a le temps. C'est ça. Ouais, c'est ça. Savoir ce qu'on met c'est dans la bouche. Ça, hein? Dans tous les domaines. Oui. Le rétro, dans le sens tendance culinaire numéro 5, tout le comfort food, là, les bonnes vieilles recettes de famille sont très, très présentes. On cherche beaucoup la nouveauté, mais sur le site de Ricardo, les recettes les plus populaires, c'est la croussade aux pommes, le rôti de porc et la tourtière. Des classiques. Donc, ouais, des bons vieux classiques. Ça a l'air bon, ça. Si je vous dis alari, laitue de mer, fucus, kombu, mousse d'Irlande, wakame, salicorne, ça vous dit quoi, ça? Qu'est-ce c'est ça? Pas mal tous des produits de mer. Des prénoms amérindiens. Ben, c'est des algues. Oui, les algues. Oui, c'est des algues. Donc, les algues vont être de plus en plus présentes, qui devraient ou qui pourraient être de plus en plus présentes. Donc, il y a des entreprises qui ont des noms qui appellent ça, là, comme Jardin de la mer au Bas-Saint-Laurent ou d'un océan à l'autre en Gaspésie, qui en font la récolte et la transformation. Puis, on les aime pour leur goût salé et leurs propriétés nutritionnelles, ce qui fait que ça devient des super aliments. Oh, oh, oh. Donc, on parle là, de miroir plutôt que de terroir. Ah, OK. Ouais, non, j'aime ça. C'est intéressant. J'aime ça. C'est pas aussi cool que produit du tiroir dans le chronique qui nous montre pas. Non, ça, c'est vrai. Ça, mais c'est... dans le même genre. Oui, oui, ouais. C'est ça. Tendance numéro 7, la variété dans les condiments. Donc, tout ce qui est des sels différents, des sauces, des maillots, les poivres de rose, blanc, noir et compagnie. C'est pas varié parce que ça change le goût. Là, c'est ça, ça c'est change ça. Tout. Exact. La huitième, un bon fast-food. OK. Fast-food le plus premium, luxueux. Oui, c'est ça. Okay. Donc, toujours en ayant le souci que les gens qui sont pressés, qui manquent de temps, puissent vite avoir quelque chose à manger, mais qui est bon. Sans avoir à s'asseoir au restaurant, mais tu commandes quand même, mettons, quelque chose pour emporter, mais qui est bien fait. Oui, okay. Qui est bien fait. J'aime ça. Qui est des pratiques responsables, puis souvent aussi avec des ingrédients locaux. Donc, oui. Aussi, on est encore là-dedans. Vous en avez pas parlé encore, mais les mocktails... Ben oui, ouais, cette année. C'est hein? Ça, ouais, ouais. Donc, en neuf, les cocktails sans alcool qui sont maintenant loin d'être ennuyeux. Hein? Donc, il y en a tellement de recettes. Là, mais c'est pas tout le monde dans les bars qui savent quoi faire comme mocktail. On dirait que ça dépend de la personne. J'ai demandé l'autre fois dans un bar, c'est quoi ton meilleur mocktail? Ben là, c'est quoi? Tu veux une limonade? C'est quoi? Hein? Ouais, fais-moi une limonade. Comme si c'était plate de c'est demander ça, comme dans comme le fond. Si c'était plate, ouais. Ben, c'est comme si elle savait pas quoi faire comme mocktail. Ça devrait être inculqué dans les bars, dans les formations. Ben, il me semble que... En tout cas, je sais pas si ça l'est partout, tous mais... Tous les cocktails, tu mets juste pas la... Tu sais, dépendant à ce que ouais. C'est, là. Si c'en est un que c'est trois sortes de porc dedans, là, tu peux pas, ouais. Là, mais... Mais c'est faire des remplacements qui équivalent pour que ça goûte un peu la même chose, avec comme les toniques et compagnie. Ouais. Fait que ça va être encore... Il y a encore plus de recettes qui devraient sortir en 2018. Le café va être présent partout aussi. Donc, pas juste dans les desserts, mais aussi du côté salé. Comme dans la revue, on avait une recette de bacon laqué à l'espresso. Ah, pour vrai? Ah, c'est intéressant, ça. Mm-hmm. Tu sais, après le sucré salé, petit café salé. Ouais. Un beau combo. Les bébés étaient vraiment des précurseurs dans pourquoi t'as salé ton café. Hein. Ah! Ouais. Non, mais vraiment. Ouais. Ils l'ont vu loin, eux autres, 2018. Oui. Ah, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Là, il est mort, avec plus. Mais non, mais il y en a d'autres, là, tu sais. Il était pas d'autres? Tout seul dans sa gang. Ils sont moins importants. Oh. Oh, le café au beurre, c'était bien dans la mode il y a 2-3 ans, je pense. Hein. Ouais. Café au beurre. Ouais. Café au beurre. Mais il y a encore du monde qui font ça, là. Ouais. Ah, ouais. Oh, ah, parce que c'est comme vendu comme une recette pour maigrir. Mais c'est complètement ridicule. Mais c'est complètement ridicule. Ouais. Tu te scrapes tout ce qui est cardiovasculaire. Ah, non, c'est... Le café fait pomper, puis le beurre. Ouais, c'est ça. C'est clairement du fake news, mais pour ce. Je savais pas ça. Pour le goût, apparemment, c'est bien bon. Ouais. Ah ouais? On devrait l'essayer. Mais parce que ton jour. Café devient plus crémeux dans le fond. Ouais. Tu sais, à Chasse Galerie, ils ont du café. Je suis pas sûr, j'aimerais ça. Puis ils ont du beurre. pour les bagels à café. Ouais. On devrait. Ah, ah, mais ça, je frissonne de pas sûr. Tu te rappelles l'autre jour, on disait que le café c'est quand même assez huileux. On voyait une huile par-dessus notre café parce qu'on le prend noir. Mais quelqu'un qui va aller mettre du beurre dans son café, tu sais, tu le fais pour le goût d'être beurré, crémeux, mais à un certain point, ça doit tellement taper sur le cœur. Peut-être, mais comme ben, la fin de semaine, Moi, j'aime ça essayer, là, même si ça a l'air dégueu, juste pour savoir qu'est-ce que c'est. Okay. Essayer une fois. On fait ça à une grosse pointe, on trouve la vraie recette. Pas mettre un cop de beurre dans un café, comme j'allais dire tantôt, là, mais vraiment trouver une recette de ce que les gens font, puis on le goûte à la chronique. Ben, faire c'est ça. Ça qu'ils font. Non, mais c'est pas juste. Non, c'est du meilleur beurre de qualité qu'un petit cop de beurre là, qui vient avec ton pain. Là. C'est du beurre que tu peux mettre de la margarine dedans, genre. Mais de l'huile quantité, d'olive. OK. Au niveau de la quantité, probablement que oui. Là. Mais tu sais, au niveau de la qualité du beurre, je pense que ça. Tu sais, en tout cas, ce que j'ai lu sur les régimes qui disaient que c'était amincissant, là, les gens utilisent pas mal n'importe quoi. Ouais, sûrement. Sûrement, mais il y a sûrement des qualités dans ça. Tu sais, du vrai bon petit beurre salé d'une certaine marque, là, mettons. Peut-être. En tout cas, on verra. On va faire des recherches avec là-dessus. Avec du bon café. Ben oui, c'est ça, exact. Tant qu'en faire un, tu sais. Non, tu sais, parce que tu peux prendre de l'instant et te mettre de la margarine dedans. Hein. Fait qu'on est dans tendance. C'est, ben, c'est pas ça qu'on veut. On va essayer ça. Café au beurre. Hey, prends-toi un espresso, c'est crémeux bien en masse. Ben oui, hein. Donc, c'est la tendance numéro 10, le café. La tendance 11, que moi, je suis super contente parce que j'adore ce mélange sucré-salé. Oui. Moi, je suis en. Sucré salé à l'os. Mais ça. Donc, mais pousser plus loin que, tu sais, chips et chocolat, là, on a vu des recettes vraiment bizarres. En tout cas, je lisais ça dans le Ricardo, je me disais, ça, peut-être pas. En tout cas, sorbet, tomate, verveine, huile d'olive, là. OK. Ça me tiède, là. C'est comme ça. Tiède. Meringue au poivre, bon, peut-être. Ça, moi, je serais d'arme d'essayer ça. Poivre, c'est bon pour tout. Mais ça, c'est comme. T'sais, ça peut être une meringue repas. C'est pas comme une meringue, tu sais, fait que c'est correct. Ou un que j'aime bien, ben le popcorn Chicago. Ah, oui. Le popcorn salé sucré. Mais le meilleur, c'est le mix des trois, là. Normal, au fromage, puis au caramel. Oh, dans le même sac. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais j'aime bien aussi le Chica Boom, Chica Pop, là, chez Costco, qui est juste sucré salé. Il n'y a pas de caramel ou de cheddar. Puis on recommande, il y a une recette de gâteau au chocolat avec de la sauce soya dedans. Car pour avoir le sucré salé. Ouais. Okay. Fait que c'est, ça m'intriguait quand même. La tendance 12, on approche de la 15e, c'est plus de texture. Non. OK. Donc encore plus de texture parce qu'on dit oui, manger avec les yeux, mais le secret d'un bon plat, c'est quand il y a quand même plusieurs textures parce que sinon, tu tannes un peu. T'sais. Puis on parle beaucoup de ces temps-ci que les gens mangent pas assez, donc si t'as de la texture, tu vas être porté à manger plus. Parce que sinon, c'est un peu raide. Hein? Donc, on fait déjà un peu ça, là, mettre des noix, des fruits séchés dans notre yogourt. Mm-hmm. Là. Même il y a des yogourts qui sont déjà faits pour ça. Du granola. Oui, exact. De la chapelure sur les pâtes pour ajouter un petit croustillant, des croutons dans la soupe. Mm-hmm. Ça, moi, j'ai essayé cette semaine des amandes dans mon potage. Ah, pas fou. Parce que ça fond moins que les croutons, que des fois, ils deviennent mous. Oui, c'est ça. Et puis, c'était bon en titi, des amandes effilées, mettons. Mm-hmm. Très, très bon. Donc, mélanger moelleux, croquant, croustillant, crémeux, tout le kit, là, ça donne faim. Plus de transparence, la tendance numéro 13, donc la clarté dans l'étiquetage et de la liste des ingrédients. Pas de la bouffe qu'on voit au travail. Non. Donc, je vais vous parler de traçabilité un petit peu plus tard. La plus récente stratégie de Santé Canada à cet effet-là, c'est de renforcer les règlements sur l'étiquetage, les allégations, plus de normes de qualité nutritionnelle, encore plus de disponibilité d'aliments sains, puis bon, éventuellement, peut-être travailler sur les prix, là. Hein? On pourrait peut-être leur donner cette mission-là pour 2018. On verra bien. 14, sucré moins, mais sucré mieux. Oh, OK. Ah. D'autres sortes de sucre? Oui, d'autres sortes de sucre. Édulcorants. Ben de sucre naturel. Oui. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, tu parlais de sirop d'érable tantôt. Donc, mets du sirop d'érable plutôt que du sucre dans ton café. Dis-moi pas ça, m'en mettre pas. Du miel, la cassonade, des dattes, de la purée de dattes. Ben oui. Et la dernière astuce, pas astuce, mais tendance 2018, vive les raccourcis. OK. Donc, tout ce qui est gagner du temps. Mm-hmm. Ou gagner du temps en cuisine, que ce soit quand même bon. Donc, les recettes de One Pot là, sont très populaires. Tout ce qu'on peut faire dans un chaudron, à la mijoteuse, sur une plaque aussi. Ça, j'aime bien ça, moi, les recettes sur la plaque que tu mets au four. Mm-hmm. Puis les magazines ou les livres 5-15 hein, sont très populaires parce qu'ils suivent ça. Absolument. Traçabilité, hein, je vous l'ai dit que ça serait un des sujets. Ben, c'est la capacité de reconstituer le parcours. d'un produit alimentaire à travers les maillons de la chaîne d'approvisionnement de son origine à son assiette. Mm-hmm. Donc, il y a 50 ans, c'était plus simple parce qu'on ne transformait pas les aliments autant qu'on les transforme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que là, le poulet, il vient de là, mais l'autre, il vient de là, on perd les aliments d'où ils viennent. C'est plus complexe. Au Danemark et aux Pays-Bas, tout est tracé. T'sais, en Europe, il y a beaucoup de pays qui sont très en avance sur bien des affaires. Au Canada, c'est pas obligatoire. Okay. Mais au Québec, il y a quand même une réglementation qui exige la traçabilité sur les animaux, comme le bœuf, les cervidés, l'ovin. L'ovin, c'est quoi ce l'ovin? Je sais pas. J'allais te le demander. Je sais pas. Le mouton? Le mouton. Donc, qu'est-ce qui est agneau et compagnie? Les ongulés. Les ongulés. Ouais, c'est quoi les ongulés? Ah, je me sens. Je mange pas assez de viande de savoir ça. C'est le porc. Ah, ok. Ah, ouais. Ouais, le porc, les ongulés. Donc, pour voir leur déplacement dans les encans au fort agricole jusqu'à l'abattoir, mais un coup qu'ils font partie du pâté à viande ou de la tourtière, là, on perd leur trace. Et on va avoir un GPS dans le péteux, après ouais, ça, ils font rendre ça à la table. C'est ça. Fait qu'il faut qu'ils restent, viande en tant que tel. Oui. Ouais. Donc, ça permet... Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est pour pouvoir agir rapidement en cas d'incidents qui sont liés à la salubrité. Oui. À la fin des années 90, quand il y avait eu toutes les crises, la vache folle puis de la fièvre afteuse, ben, ça avait permis de savoir d'où qui venaient ces animaux-là pour pouvoir agir. Aussi, ben, c'est sûr qu'au niveau de la fraude, ça peut aider aussi parce que, par exemple, il y a eu des miels qui étaient falsifiés avec des produits sucrants. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Des saucisses qui contenaient d'autres ingrédients que ce qui était étiqueté ou même encore plus récemment, du poisson. Mm-hmm. On disait que c'était une sorte de poisson qu'il y avait dans le paquet puis on se rendait compte que c'était pas ça. Ouais. 36% des espèces commercialisées au niveau des poissons sont pas celles annoncées sur les emballages. Pas vrai. Mm-hmm. Combien de pourcents? 36! Ben voyons donc! Mm-hmm. Wow. Tu sais, c'est comme, ben voyons donc, en tout cas. Tu sais, fait qu'après, quand tu veux te dire, je pense que c'est de la morue ou de l'aigle fin, mm-hmm. ben ouais, là, ça doit surtout être, tu sais, les boîtes que tu peux acheter, les là, qui sont panées. Ouais. Ah? Ah, les Blue Water et compagnie. Ouais. Ouais. Ah oui, je comprends les gens avec le capitaine dessus, Highlander. Exactement. Ouais, ouais, je comprends. Ah, ça se peut. C'est, hein. Highlander, ce produit-là, ouais. Tu sais, c'est sûr, si tu vas à la poissonnerie, tu demandes un filet de saumon. Ben, tu le vois, tu sais. Ça me prendrait il y a encore sa tête. Ton, c'est hein. Plus, plus. Mais les... ouais, c'est ouais. De cette façon-là, quand ouais. C'est couvert, c'est assez difficile de pouvoir voir c'est quoi, hein. Ouais. Ouais. Mais ça y en goûte le poisson générique. Beaucoup aussi, ouais. Fait que des fois, ça peut être difficile. Donc, avant, les gens étaient plus préoccupés par le prix, mais maintenant, on veut plus savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette nourriture-là? Ça pourrait aussi être dangereux pour ceux qui ont des allergies, des problèmes de santé, oui. Parce que la traçabilité, c'est aussi dans l'étiquetage de vraiment écrire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là. Puis des fois, pas tout est écrit. Les allergies aux noix, c'est pas mal présent. Là. On l'écrit, peut contenir des traces d'arachide, mais quand même, comme tout n'est pas indiqué, ça peut être dangereux. Des produits qui en ont, par contre ici, ben, les œufs en ont, le homard, quand il n'est pas transformé, évidemment, là. Mm-hmm. Et certains emballages de lait, comme Nutrinor du lac Saint-Jean, lui, tu peux savoir d'où ça vient avec la traçabilité. Tu peux écrire une lettre de correspondance à la vache qui t'a donné ton lait. Exactement. Ami ça serait avec. Sympathique. Fait que ça peut être dans un code qu'il y a sur le produit ou ça peut être aussi, tu vas sur le site puis tu mets la date d'expiration. Ah, OK. Donc, dépendant, là. Tu vas sur le site Internet puis dépendant de ce que la compagnie te fournit comme information, ben, tu peux savoir la ferme ou l'endroit où ça a été pêché ou produit, la technique de fabrication pêche ou qu'on a pris soin des animaux de quelle façon. Puis même, parfois, on peut communiquer avec le producteur. Fait que peut-être que tu peux adopter une vache. Ah, oh, c'est le fun. Ah, puis imagine, mettons, un petit cochon adopté là, qui veut retrouver ses parents biologiques. Oh! Ah, papa! Oui, babe! Babe de cochon! Donc, il y a la compagnie Naturoné qui Naturoné. Fait des... Naturoné? Ben, wow, ça sent bon. Peut-être... N-E-Y, là. Okay. Non, ça doit être Nature Honey, là, mais Nature c'est parce qu'il n'y a pas de H. Honey, ouais, je comprends. Nature Honey, en tout cas. C'est douteux. C'est du miel. Ils produisent des miels dans les Costco, eux autres. Puis sur leur site web, tu rentres le code sur le couvercle, puis tu peux savoir c'est quels apiculteurs qui ont produit ton miel, quelles fleurs. Ben, c'est écrit sur le pot, mais quand même, là, tu sais. J'imagine que tu as peut-être des photos aussi, un peu de où que c'est. Sûrement. Pour les homards de la Gaspésie aussi, on peut savoir c'est où et par qui que ça a été pêché. Un coup qui est transformé, tu le sais plus, là. C'est quand il est dans son vivoir, là, à l'épicerie. Pour là, lui serrer la pince. Les produits Keshken, eux, sont issus de la pêche des Innus de cette communauté de la Côte-Nord qui se partagent les revenus. Puis eux, ils ont récemment opté pour la traçabilité. Fait que tu as un code sur l'emballage qui t'indique le nom du pêcheur, ben, quand tu vas sur le site, là, la technique, l'endroit où il a été pêché, les étapes de la chaîne de congélation, puis même des recettes. Wow! Les produits Keshken. Moi, je checkais ça là, dans les épiceries si j'en verrais dessous. Ben oui, les Inuits et leurs revenus. Ben, ils sont fiers de ça parce qu'ils se partagent tous les revenus entre eux. Fait que souvent, eux autres, tu sais, ils en ont besoin, là. Fait que c'est le fun. Toute la communauté en bénéficie. Donc, la compagnie Apple, là, est capable de connaître la provenance de toutes les composantes de ce téléphone puis peut savoir en quelques jours dans quelle usine, par qui ça a été assemblé. Ils sont contrôlants, en plus, ouais. Fait que pourquoi pas la nourriture? Tu sais, on se soucie de qu'est-ce qu'on a dans nos poches, mais qu'est-ce qu'on met dans notre ventre? Fait que le consommateur peut poser des questions, puis c'est ça qui va faire changer les choses. Absolument. En fait. Tout à fait. Pour finir, quel temps de cochon! Hey! On parlait, en plus, tu parlais de babe et compagnie. Oui, fait de bacon. Temps de cochon. Ça veut dire quoi, ça, de base? Ben, qu'il fait pas beau. Fait pas beau. Ouais, sûrement. Ouais, on est d'accord. Est-ce que ça a rapport avec les cochons qui se roulent dans leur boîte? Peut-être. Tu sais, de l'eau puis de la terre. Fait de la boîte? Ouais. Dans le cochon. Ben, je pense que c'est relié à ça, mais c'est le fait que les cochons restent à l'extérieur. Ah? Non. Peut-être. Peu importe la température. Sinon, je sais pas. Tant, ça a sûrement rapport avec le tire-bouchon de sa queue. Hein. Les tornades, période de tornade. C'est ça, exactement. Le cochon. Et ben, ça reflippe si. ça, on l'a jamais vu, mais la queue du cochon est toujours droite dans le fond. C'est ça, quand exactement. Quand il annonce pas beau, elle tire-bouchon. Oh, c'est un fait qu'on savait pas, ça. Ouais. Hein? Et qui n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Les gens, il faut qu'on leur dise quand c'est de sarcasme. Ouais, c'est ça, là. Si vous avez flashé sur la station pendant ces quelques secondes, crimes, ils vont transmettre l'info à tout le monde. Ils doivent pas écouter souvent s'il faut qu'on leur dise c'est quand c'est sarcasme. Je fais rien que ça. Quand même. Ben, c'est sûr que c'est ça que ça veut dire. Froid, humide, un mauvais temps et compagnie, cette expression-là, tu sais, son origine de la vie rurale de jadis. Ben oui, bien sûr. C'est sûr. Donc, on est vraiment dans un autre mode de vie, là. Quand, à des fins purement nourricières, fallait se nourrir, l'hiver s'en venait, les récoltes, on savait pas trop si on aurait assez de nourriture et tout ça, ben, on avait fait engraisser un bon cochon. Mm-hmm. Puis là, quand il était rendu à la corpulence souhaitée, ben, on voulait l'abattre. Pas pour le manger là parce que ça allait pas bien, mais pour le garder pour plus tard. Oui. Donc, on utilisait une technique de conservation qui était une des plus populaires, la mise au saloir. Donc, dans le sel, mise au saloir. Pour favoriser la prise de sel, il fallait que le temps soit de la partie. Une bonne et froide humidité ambiante. C'est ça qui faisait que le sel s'agrippait plus après le porc. Donc, le porc était souvent tué en novembre. Par un temps de cochon. Non! Mais c'est vraiment le fun, ça. Oui. Tes cochons sont tellement fins. Il y a deux émojis. Tellement fins. Oui, il y a deux émojis de cochons sur le téléphone. Fait que je suis pas vraiment dans. Tu sais, quand je mange du fast food. Oui, il y en a deux. Il y a le cochon complet, puis t'as juste sa tournée. Ah, oui, c'est ça, ok. C'est drôle. J'aime bien le petit nez de cochon. Les porcelets sont tellement mignons. Merci, Véronique Mire. Ça fait plaisir. On te dit à une prochaine fois. À une prochaine fois. Véronique Mire et sa Véronique Lopédie. On prend une pause. Au retour, ça va être au tour de Tania qui va nous divertir un petit peu. De quoi tu nous parles déjà? Eh bien, du chocolat. Des L'avenir du chocolat, Mathieu. Et le chocolat. Yep. Retour dans Tania is gonna entertain.

Alors, viens sur notre thématique de l'alimentation. Ben oui, certainement, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un certain temps, on avait parlé de la menace de disparition du café. Oui. On en avait discuté. On avait aussi légèrement abordé la disparition du chocolat. Mm-hmm. C'est la sixième extinction de masse qui ne concerne pas nécessairement les animaux cette fois. La directrice de l'ONG Biodiversity International, qui est Anne Tutwiller, selon elle, il y a plusieurs aliments qui entrent dans la consommation régulière des gens qui fait en sorte que, justement, il y a une hausse des températures, il y a aussi la production qui amène une réduction des proportions qui sont quand même assez importantes. Et parmi eux, bien, on a la pomme de terre, le café, comme on le disait, mais aussi le chocolat. Donc, présentement, on dit que jusqu'à 22% de la récolte actuelle du fameux petit tubercule risque de disparaître d'ici 2055 en raison du réchauffement climatique. Et c'est ce qu'on avait expliqué la scientifique au journal britannique The Guardian. Par contre, au Ghana, en Côte d'Ivoire, les deux pays d'où provient le cacao la plupart du temps, on parle de 70% de la production mondiale de cacao. Et les cacaoyers pourraient ne pas survivre justement à l'augmentation des 2 degrés prévus dans ces pays-là d'ici 4 ans. Donc là, on parle plus nécessairement de 2055, on parle vraiment là, d'ici 4 ans, de pas nécessairement pouvoir survivre à l'augmentation des 2 degrés. On s'inquiète pour l'avenir du café, comme on le disait, on s'inquiète aussi beaucoup pour l'avenir du cacao, mais on se pose la question, est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai? T'sais, on avait vu un article sur Agence Science Presse qui parlait justement de la disparition d'ici 50 ou 100 ans. C'était sorti en 2012 du côté de l'Agence Science Presse. Donc, on disait qu'il serait dommage, en fait, de pouvoir renoncer aux gâteries de chocolat, t'sais, les tablettes, les boissons chocolatées, le fameux petit lapin de Pâques, toutes ces choses-là. Mais la disparition des cacaoyers, ça serait beaucoup plus dramatique pour les quelques 20 millions de producteurs qui dépendent de cette plante-là pour vivre, contrairement à simplement nos petites sucreries là, qu'on connaît bien évidemment. Ouais. Donc, depuis quelques années, en fait, la production mondiale de fèves de cacao tourne autour de 4 millions de tonnes par année. Et présentement, on est à la baisse. C'est une chute de risque qui s'est accentuée, bien évidemment, en raison des changements climatiques. On en a déjà discuté. Les cacaoyers, ça supporte très mal la sécheresse et la chaleur. Un petit peu la même chose que dans le cas du café qu'on avait discuté. Et il y a des arbres qui sont victimes, en fait, de plusieurs parasites dus à cette sécheresse-là, dus à cette chaleur-là, y compris des champignons qui sont quand même assez microscopiques. Mais ça fait en sorte que la fève de cacao va venir un petit peu changer. Le goût va changer. Et ça fait en sorte que, bon, à un certain moment, on doit l'acheter parce que c'est plus nécessairement comestible. On a un autre grave problème à ce niveau-là, c'est que les cultivateurs manquent d'argent pour pouvoir planter de jeunes petits arbres cacaoyers qui deviendraient beaucoup plus productifs que les vieux qu'on a déjà. Donc, ça fait craindre le pire, en fait, la fameuse disparition du chocolat d'ici 50 ou 100 ans. Et on se demande s'il y a une solution à tout ça. Bien évidemment, en 2012, lorsque le premier alarmement est sorti à ce niveau-là, on s'est dit que développer de nouvelles variétés de cacaoyers qui seraient beaucoup plus résistantes à la sécheresse et aux maladies, ça serait quand même une bonne solution. Mais ça nécessite beaucoup d'argent et les principaux pays producteurs de cacao, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, le Ghana et le Nigeria, mais on n'est pas nécessairement fortuné pour pouvoir s'approvisionner en d'autres types d'arbres. Donc, les pays riches vont peut-être devoir leur venir en aide un petit peu pour l'amour du chocolat. On se pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait? Est-ce que c'est quelque chose qui va être fait? Bien, il y a une étude de l'IPCC qui est sortie en 2014, donc 2 ans après cette fameuse alarmement-là, sur le changement climatique, qui notait que dans les conditions actuelles de production, le Ghana et la Côte d'Ivoire allaient connaître une hausse de 2 degrés d'ici 2050. Et c'est là que ça nous alarmait, parce que, bon, même si on change nos arbres, le changement climatique ne va pas nécessairement arrêter. Donc, ça prend à un certain moment un arbre qui va être beaucoup plus résistant. Est-ce qu'on a réussi à mettre la main sur des arbres comme ceux-là? Présentement, la réponse est non. Il faut faire évoluer, en fait, la culture du cacao. Par exemple, on peut essayer de modifier génétiquement la plante pour qu'on puisse survivre dans un environnement qui va être beaucoup plus sec. On ne sera pas nécessairement capable présentement de trouver un arbre qui va être beaucoup plus résistant et qui va pouvoir produire aussi le cacao, mais si on y va de façon modification génétique au niveau de la fève de cacao, ça serait quelque chose qui pourrait être fait. Le pari, en fait, c'est le pari qu'a fait Mars, donc la compagnie Mars. On a alloué $1 milliard à la recherche dans le cadre d'un programme pour la réduction d'une empreinte de carbone de près de 60% d'ici 2050. On s'entend, la compagnie Mars, on produit du chocolat, donc c'est assez normal de vouloir justement à un certain moment mettre de l'argent aussi dans ces solutions-là si on veut survivre. Et le géant des barres chocolatées, ben, il va se mettre à subventionner les scientifiques de l'Université de Californie qui se plantent justement sur cette technique-là, à savoir le but de la manœuvre de modifier le génome des plantes pour les rendre beaucoup plus résistantes. Et notamment, on veut les rendre beaucoup plus résistantes à la chaleur, mais aussi au manque d'eau. Parce qu'on l'a dit, ça devient très, très sec. Et quand on a des pluies qui sont quand même assez torrentielles. Mais sinon, sur un temps, normalement, l'atmosphère va être beaucoup trop sec pour qu'on puisse faire quoi que ce soit avec la fève de cacao. Donc, grâce à eux, les M&M et les œufs de Pâques devraient pas disparaître de sitôt. Par la suite, tu l'as mentionné hier, si je me souviens bien, hier ou cette semaine, c'est un nouvel article de l'agence Science Presse qui, c'est drôle, drôlement dit, mais on s'est remis en question, en fait, parce qu'en 2012, on a mis sur la map le problème. Ils faisaient partie eux-mêmes du problème d'avoir propagé des... propagé certaines informations par rapport à la disparition d'ici 2050 du cacao. Et cette semaine, bien, c'est sorti sur le site de l'agence Science Presse que le chocolat ne disparaîtrait pas d'ici 2050. Comment est-ce que ça s'est fait, tout ça? Bien, apparemment que l'origine du problème serait une rumeur. Donc, les différents modèles climatiques qu'on prévoyait pour une augmentation d'environ 2 degrés Celsius d'ici 2050 ou 2055, et bien évidemment les sécheresses qui vont avec ça, bien, il y a des publications récentes qui ont mis en lumière un petit peu les défis auxquels vont être confrontés les cacaoculteurs au cours des prochaines décennies. C'est des changements qui s'opèrent, mais les publications manquent de nuances dans leur prédictions. Et on a semé la panique, en fait, sur la toile en disant que justement le café, le cacao et certains autres aliments allaient peut-être disparaître très rapidement. Donc, on a pu lire dans des articles, comme par exemple la disparition du chocolat d'ici 2050 qui était sorti en 2020, que la réalité est un petit peu plus... En 2050, pardon. Oui. Que la réalité est un peu plus nuancée que ça. Il y a des cacaoés, oui, qui poussent bien évidemment dans des problèmes, on le sait. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment mettre de côté. Là, il y a une problématique. Par contre, on doit la nuancer. On pousse pas dans une région bien précise du globe. En gros, il y a une bande qui couvre 20 degrés de latitude au nord et au sud de l'équateur. Donc, à ce moment-là, c'est une plante qui est quand même assez capricieuse, qui a besoin d'une température moyenne de 25 degrés Celsius à l'année longue, d'une humidité qui va être constante et qui déteste les écarts de température. C'est un professeur au département des sciences biologiques de l'Université de Montréal, Mario Cappadocia, qui a réalisé que, justement, on était peut-être allé trop loin dans certaines nuances dans les dernières années pour dire que tout allait disparaître. Mais de là à affirmer que le chocolat allait disparaître d'ici quelques décennies, c'est alarmiste. Parce qu'en fait, les changements climatiques se produisent sur des décennies. L'adaptation est encore possible et on précise en fait dans certaines publications que justement, on doit faire ces adaptations-là si oui, on ne veut pas qu'il y ait un changement quand même assez fatal au niveau du cacao. Par contre, la faible productivité du cacaoyer combiné à l'exposition, à l'explosion en fait de la demande en chocolat, bien oui, ça, ça fait en sorte que d'ici quelques décennies, ça serait quelque chose qui serait beaucoup plus rare. Donc, ça va devenir beaucoup plus cher. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'au niveau de la problème climatique, c'est ça qui ferait en sorte que ça disparaîtrait. Ça ferait peut-être simplement la productivité qui est rendue un petit peu plus compliquée versus la grande demande en chocolat. Donc, on est encore une fois à la recherche de solutions et il y a de nombreux instituts de recherche et universités qui ont mis en place des programmes pour adapter justement les cacaoyers, adapter les méthodes de culture qui sont face au changement climatique. Et l'une des avenues envisagées par les scientifiques pour contrer des changements climatiques est le développement d'une espèce résistante à la sécheresse, comme on le disait tout à l'heure. Présentement, en Californie, on regarde ce qui se passe. On n'a pas encore trouvé de solution. On travaille en collaboration, encore une fois, avec la compagnie Mars. On fait des tests, on fait des essais. On permet de modifier, en fait, l'ADN d'une cellule de manière quand même assez bien précise. Par contre, ça pourrait être très, très long comme méthode. Donc, le cacaoyer, ça a une croissance très lente. On doit faire des essais avec les graines qui sont issues du fruit. Et ça, bien évidemment, si on veut faire des tests avec les graines, on doit attendre que le fruit sorte. Mmh. Donc, on n'a pas le choix d'attendre après, justement, la productivité de cet arbre-là pour voir si la résistance est meilleure ou non. Ça prend du temps. Pour le moment, c'est pas nécessairement... très, très bon parce qu'on se rend compte que, bon, on attend plus qu'on fait des recherches. Donc, à plus court terme, les solutions comme l'agroforesterie, ça pourrait être prometteur. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est que les cacaoyers supportent mal le soleil direct. Donc, les plantes au pied... Si on regarde une plante versus un arbre, comme les cocotiers ou les bananiers ou les palmiers, bien, ce sont des plantes sœurs qui les protègent du soleil. Et on se demande si on ne pourrait pas faire la même chose avec un cacaoyer. C'est-à-dire de produire, oui, de faire pousser, par exemple, un cacaoyer, mais de l'entourer d'autres types d'arbres qui pourraient en faire la protection solaire. À ce moment-là, le Centre international d'agriculture tropicale a démontré que c'est justement une méthode de plantation traditionnelle qui a pour avantage, justement, de protéger les plants de cacao des maladies et de les rendre deux fois plus productifs. Donc, c'est une option qu'on est en train d'observer, qu'on est en train de faire des recherches, savoir si on pourrait faire ça. C'est une adoption à plus grande échelle qui pourrait en fait éviter la déforestation endémique dans les pays qui sont producteurs de cacao. Et à ce moment-là, bien, on pourrait peut-être justement essayer de repimper un peu la production qui est en baisse. On pourrait essayer d'en ravoir des chiffres qui sont quand même assez concluants. Donc, dans un rapport qui a été publié par l'ONG en septembre 2017, on peut lire que dans deux pays producteurs de cacao, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Ghana, les forêts et les aires protégées ont vu 90% de leur surface convertie en monoculture de cacao. Donc, on va essayer d'entraîner la perte de biodiversité de cette façon-là. La culture du cacao, ça devient comme un serpent qui se mord la queue. On contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre et on participe à des changements climatiques qui menacent. Alors, à ce moment-là, on doit voir vraiment si de pouvoir protéger notre plante de cacao, ça pourrait être la solution. Et pour le moment, bien, augmenter la productivité et mieux rémunérer les producteurs, ça reste encore la solution numéro un. C'est sur ça qu'on va se concentrer pour le moment, d'essayer de faire en sorte que les producteurs aient un petit peu plus d'argent à ce niveau-là, qu'on puisse travailler justement nos plantations, nos programmes de pousses, à savoir justement si on va pouvoir amener une certaine différence au niveau de la production d'ici quelques années pour voir si justement nos chiffres ne vont pas augmenter au lieu de baisser. Et le chocolat, bien, il faut le dire rapidement en terminant que c'est pas le seul aliment qui se dit en voie de disparition. Dis-moi pas que le sirop d'érable s'envole. Toi, le sirop d'érable, ouais, en matin? Je sais. Mais non, my God. Le chocolat, le café, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais ils sont pas les seuls. Entre autres, le beurre d'arachide serait peut-être aussi menacé. Ah, okay. C'est une mauvaise nouvelle, en fait, pour les seulement amateurs. Seulement le croquant ou le crème? Une mauvaise nouvelle pour les amateurs de beurre d'arachide. Et en fait, les États-Unis, qui est le pays producteur d'arachide, a connu cette année une des des pires récoltes depuis des années selon le National Peanut Board des États-Unis. Donc la hausse des coûts en énergie, la grande chaleur, mais aussi encore une fois la sécheresse, ça touche les régions du sud des États-Unis où on cultive les arachides. Et la production d'arachides des États-Unis a connu une baisse de 13 % cette année selon le ministère de l'Agriculture. Donc une des conséquences, c'est qu'on va avoir une hausse de prix qui va être quand même assez considérable au niveau de pouvoir tartiner nos toasts ben, le matin. Sinon, la banane aussi est un aliment en voie de disparition parce qu'on parle d'une infection fongique qui menace de balayer les bananes. Donc, c'est un fruit qui est quand même assez délicieux. C'est un fruit qui est utilisé dans plusieurs recettes. Des fois en pyjama. Oui, aussi. On le tient parfois pour acquis. Donc, la vérité, en fait, de banane la plus cultivée, c'est la Cavendish. C'est une variété qui a remplacé la précédente, qui était la Gros Michel, qui est décimée par la maladie de Panama. Et c'est une maladie qui est une infection fongique qui infeste les bananiers. Donc, c'est pas nécessairement la banane directement, c'est l'arbre lui-même qui fait pousser la banane qui est pris de cette fameuse petite infection-là. Donc, on va devoir voir comment ça se passe à ce niveau-là. Mais probablement, encore une fois, que le prix de vos bananes pourrait augmenter. Le miel, Mathieu, est un aliment en voie de disparition aussi. Il ne restera plus grand-chose au déjeuner. Ben parce que les abeilles, c'est indispensable à la pollinisation, oui, et de considérer comme les meilleurs pollinisateurs aussi. Mais on est en danger. On manque d'abeilles présentement. C'est quelque chose qui disparaît, les petites abeilles. Donc, un parasite pousse les abeilles à quitter leur ruche. On les désoriente, on provoque leur mort. Mais c'est un parasite qui n'est pas la seule raison de leur disparition massive. En fait, selon l'Express.fr, il y a une combinaison des pathologies, donc c'est-à-dire virus et maladies et parasites, des pesticides aussi, qui fait en sorte qu'on a un appauvrissement des ressources alimentaires qui causent leur perte avant même qu'elle ait le temps de s'adapter et qu'elle ait le temps d'aller justement butiner et de faire le miel en tant que tel. Donc, c'est un triste scénario quand même pour nos assiettes. Il y a 30 % de ce qu'on consomme qui est lié à la pollinisation faite par les abeilles. Donc, plus de confiture, plus de jus d'orange, plus de café, mais surtout plus de miel. Mmh. Et le miel, c'est produit par les abeilles à partir du nectar. Donc, à ce moment-là, si on n'a plus d'abeilles pour pouvoir produire le miel, c'est quand même assez problématique. Et sinon, le dernier aliment qui serait aussi en voie de disparition, eh bien, c'est le thon rouge. Le thon rouge du Sud. C'est une espèce de thon rouge qui est comme le plus en danger critique présentement. Pourquoi? Bien, en fait, selon le directeur de l'Université Biodiversité Marine de l'UINCN, les thons rouges sont susceptibles, en fait, de s'effondrer en raison de la pression de la surpêche qui est faite de façon continue. Et c'est déjà le cas pour le thon rouge du Sud, qui a peu d'espoir de rétablissement pour le moment. Donc, les populations de thon rouge ont tellement été réduites qu'il faudrait fermer la pêche jusqu'à ce que les stocks soient reconstitués et qu'ils soient à un sain niveau quand même aussi. Donc, c'est peu probable que ça arrive. Je pense pas qu'on va arrêter de pêcher pour autant, mais il va falloir faire notre deuil du thon rouge à un certain jour. Quand le Pokéball au thon rouge, là, à cette galerie, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être terrible. Terrible. Tania, tu me déprimes. Non, je suis désolée. En plus que... Non seulement tu parles de plein de choses qui ont l'air délicieuses, mais en plus, l'odeur des repas de la chasse-galerie vient juste d'entrer dans le studio. Merci, Tania. Tania is going to Tania tous les matins à Assemblage Requis. On va écouter une pièce qui a un lien avec ce que tu viens de dire. Hein. Les petits biscuits. Les petits biscuits. Au chocolat, c'est problématique. Donc, la pièce Problems de petites biscuits. Assemblage Requis. Magnetism's perfect. She says she knows just how to cool down California for me. Text at 3 a.m. because a roommate back in Texas. I copy like Roger. We could climb some trees and get perspective. Mirror right next to a bed, motion perfected. All I can do is respect it. But why'd you wanna be around me in the first place. She said, baby, up and down's the third grade. You were satisfied with first base. And I've been widely known to be providing earthquakes. You must not have heard. She likes the shark print with the zip up, high hats with the hiccups, dark tints on a pickup, pineapples and liquor. She moved with the machine, played a game to change it. This is how it is to be. This is what I'm made with. This is love. The silhouette against the sunrise. She read my mind and poured some Earl Grey in a solo for me. Asked me if I wanna go to Mars and watch the world end. I think I might love her. And she got everything I need. Playing Jodeci at noon, we might never leave a room. She likes the shark print with the zip up, high hats with the hiccups, dark tints on a pickup, pineapples and liquor. She moved with the machine, played a game to change it. This is how it is to be. This is what I'm made with. This is love. La pièce Problems featuring Lido. C'est ça qui est fait. C'est ça. C'est ça qui est fait. D'amour, je pense. C'est ça? Donc, après la pause, David Ferron va être avec nous pour la chronique Zone Campus. David, une ligne. Qu'est-ce qui s'en vient? Une ligne. Plein de trucs. Ah, oh, wow. C'est même pas une ligne. C'est comme une demi-ligne à interligne. Ça. Ben là, tu voulais que je sois clair et concis. Mais c'est tellement pas clair et concis. Fait que... Ben c'est concis, mais c'est peut-être pas clair. Ah voilà, c'est confit, je te dirais. T'es canard. Mais confit. En fait, on va parler de l'édition papier. Ah, génial. Ah, bon. Au retour à Assemblage Requis. C'est fou, 89 ans. Toujours dans l'émission Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui. Oh oui, David Ferron qui est là. Salut. Salut. Parce que c'est le moment de parler du journal papier qu'on appelle le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Donc, David Ferron, qui est chef de pupitre du journal Zone Campus, du Média étudiant, mais qui sort une version papier une fois par mois. Oui. Il nous en reste seulement un après cela. Deux? Deux, ben deux oui, l'édition de mars et d'avril. Exactement, donc c'est l'avant d'être. Oui. C'est le numéro du mois de février sur lequel on retrouve les patriotes qui s'impliquent. On en reparlera rendu en sport tout à l'heure. Mais avant ça, on va commencer en actualité avec le petit mot de la rédaction. De Marie Labrousse. Oui, exactement, qui est la rédactrice en chef. Mm-hmm. Donc, elle explique le triangle hivernal, c'est-à-dire que l'hiver, c'est long, mais il se passe plein de trucs. Par exemple, Marie explique sa vie professionnelle, sa vie privée, puis sa vie académique aussi. Mm-hmm. Donc, parce qu'elle est aussi étudiante à la maîtrise, en plus d'être rédactrice en chef. Elle fait tout. Et elle a une vie aussi. Oui, quand elle peut. Oui, c'est ça. Faut pas oublier que les étudiants qui travaillent, on a des vies quand même. Oui. Donc, Ouais. Toujours en actualité, on a un reportage sur la place des étudiants musulmans à l'UQTR. Oui, donc c'est un reportage de la part de Chloé Rousseau. Mm-hmm. Et c'est de savoir en fait comment les étudiants musulmans réussissent à concilier vie spirituelle, vie privée, vie académique, implication sociale et scolaire aussi. Bref, un portrait honnête et vrai. Vrai. Oui. J'espère, c'est un journal, il faut mettre des affaires vraies là-dedans. Oui. Dans la chronique d'histoire, Gabrielle Senneville nous raconte l'aventure d'Ada de Tzara. Oui, en fait, Tristan Tzara, qui est un artiste qui s'est illustré entre les deux guerres, donc la première et la deuxième guerre mondiale. Oui, oui, le chapitre 1 et le chapitre 2. Oui, dit de même. Il y en a, en fait, c'était un artiste qui voulait critiquer la bourgeoisie parce que le mouvement dadaïste, en fait, c'est de critiquer la guerre et le mouvement bourgeois. OK. Donc, portrait de cet artiste assez spécial, pas nécessairement anarchiste, mais quelqu'un qui disait « Vous êtes laid et je le suis ». La fin de la neutralité d'Internet aux États-Unis, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences à l'UQTR, c'est ce qu'on se demande? Il paraîtrait que oui. Ah oui? Oh. Oui. Et pour connaître ces conséquences, il faut aller voir l'article. Ah, OK. Même pas d'aiser, ça. Non. Hein? Ben, en fait, oui, il y en aurait, puis ça serait pas nécessairement bon pour les frais, pour le nombre d'inscriptions. Ah, d'accord. Il y aurait même un impact là-dessus. Pour vrai. Oui. François Fabi, portrait de l'étudiant au cycle supérieur. Oui, étudiant au doctorat en biologie, cellulaire et moléculaire. Mm-hmm. C'est un étudiant qui est très, très impliqué, qui a fait toutes sortes de concours, toutes sortes de comités, mais au début, il ne voulait pas s'impliquer. Ah, ah, ah. Non, et pourtant, c'est assez étonnant quand on lit, parce qu'on pense que c'est né chez lui, mais non, pas en tout. Mm. Ensuite, dans son éditorial « L'humain approximatif », c'est Samuel Pedro Gauchemin qui nous parle des sauveteurs du monde. Oui, justement, là, on a parlé de Oxfam, l'espèce de scandale sexuel de Oxfam. Et il y a le point de vue critique, en fait, c'est le point de vue critique des missions humanitaires. Oh. Comme quoi, du volontourisme, c'est-à-dire que tu t'en vas faire du tourisme et... Pour prendre des photos Instagram de Jean-Paul. Oui, justement, il blaste là-dessus. C'est ça. C'est très intéressant comme point de vue. Ça peut choquer, mais si ça peut créer des débats sains, pourquoi pas. Mm-hmm. Et sinon, du côté de l'actualité encore, on parle de Vox Pop étudiant, surtout de l'assurance collective, qui est quand même assez inconnue. Oui, exactement, parce que les étudiants peuvent payer pour avoir une assurance qui est gérée par la UQTR, c'est le plan majeur, mais c'est pas nécessairement tous les étudiants et étudiantes qui savent qu'est-ce qui est couvert. Oui, dans cette assurance. Non, c'est sûr. Non, c'est... Donc, c'est de voir. C'est mal expliqué, mettons. Sinon, Magali Boisvert nous parle de comment survivre avec un ou une amoureux ou amoureuse écolo. Oui, justement, vous vous demandez, mais pourquoi votre partenaire trie les déchets de votre poubelle? Ouais. Mm-hmm. Eh bien, Magali réinvente le guide du couple pour, justement, expliquer que vivre avec quelqu'un d'écologique, c'est pas si pire que ça et c'est agréable, faut juste suivre les instructions de Magali. Est-ce que tu penses qu'elle va aussi nous expliquer un jour pourquoi l'écriture inclusive est aussi incompréhensible à lire? Comment se vivre avec un amoureux écolo? Ah, ça, c'est un effort intellectuel, Mathieu. Oh, comme... c'est lourd. Sinon, encore en actualité, c'est la petite vite d'Anthony Morin, Éliane Baudry ou Marie-Lou Denis qui nous parle des relations connectées. Oui, donc l'amour à l'air de Tinder, tout simplement. Ben oui, c'est comme ça. Oui, est-ce qu'il y a des couples qui peuvent se former? Est-ce que ça s'était fait plus vite à cause de Tinder? C'est moins stable, en tout cas. C'est sûr que c'est moins stable. On voudrait dire salut à Tinder en passant. Ouais, salut. T'as OK, c'est tout. Bon. Oui. On parle du traitement des plaintes pour harcèlement sexuel à l'UQTR de façon pas mal plus sérieuse cette fois. Oui. Où et comment dénoncer une agression sexuelle? Oui, justement, il y a une politique par rapport aux plaintes parce que l'UQTR, présentement, a en fait une espèce de bureau de gestion des plaintes. Okay. Et pour justement rejoindre, si jamais il y a de quoi, vous pouvez communiquer au 1-888-553-2535 et tous les appels seront... anonymes. Oui, exactement. Cool. Bonne chance. Encore une fois, en actualité, c'est Sébastien Hull qui nous fait un reportage prévention-suicide. Donc, on parle le point sur le projet Sentinelle. Oui, exactement. Le projet Sentinelle, c'est une brigade de l'UQTR qui est là pour faire de la prévention... En fait, faire de la prévention, de la sensibilisation sur la question du suicide. Mmh. Et là, il y a également aussi la question des associations étudiantes. Comment les associations étudiantes peuvent être impliquées également pour la prévention du suicide? Et par ailleurs, je voulais vous donner le numéro de téléphone de l'Accalmie, si jamais, par exemple, vous avez un problème au niveau du suicide. Excusez-moi, ça va pas bien. Suicide. Oui, exactement. C'est quand même un sujet assez sérieux. Donc, c'est l'Accalmie qui est un organisme qui s'occupe justement pour des gens qui vivent avec une détresse, autant pour les proches que pour les gens qui vivent avec la question. Vous pouvez rejoindre l'Accalmie au 1-866-277-3553 ou encore 1-866-APPEL. Voilà. Ensuite, on va en art et spectacle avec l'exposition à la Galerie R3. Trop, c'est comme pas assez. Oui, c'est une exposition de Mathis Bourin qu'il a présentée au mois de janvier à la Galerie R3. Et c'est les objets du quotidien qui sont réinventés, disons. Par exemple, un cône orange garni de popcorn. Ah, ben oui. Entre autres, aussi, un espèce de labyrinthe pour rats. Oui. Ensuite, dans les critiques d'albums, on parle de Loud, Medora et La Famille Ouellette. Oui, trois styles complètement différents. Et c'est le premier article qu'on peut retrouver d'Audriane Clavet, qui est une de nos nouvelles collaboratrices. D'ailleurs, j'avais oublié de le mentionner parce que Marie Labrousse, dans son mot de la rédaction, mentionne nos nouveaux collaborateurs et collaboratrices. Sébastien Houle. Oui, en actualité. Il y a Vincent Cheval également aussi. Oui. C'est lui qui a fait le Vox Pop par ailleurs. Oui, tout à fait. Et Audriane Clavet, mais là, il y a deux autres nouveaux aussi, deux nouveaux chroniqueurs sportifs. Oui, on y viendra en sport tantôt. Hein, mais... Ben, ils sont pas encore dans le format papier. Ils sont pas encore là. Non, ils vont être dans le blog aujourd'hui, par contre. OK, cool. Oui. Bon, on en parlera quand ils seront dans le journal. Hein? Oui. Le Québec, une page à la fois, c'est la chronique littéraire de Judith Étier, la trilogie La bête à sa mère. Oui, on connaît David Gaudreau en tant que slammer de réputation internationale, mais c'est aussi un auteur qui est reconnu. Il a sorti la trilogie La bête à sa mère, qui raconte l'histoire de la relation entre un monsieur pas très recommandable et sa mère. Donc, on explique justement le bête à sa mère, c'est justement... Bref, une belle histoire de pas très Saint-Valentin, mais qui vaut la peine d'être lu. C'est pas l'histoire de David Ferron. Non, vraiment pas. T'es très recommandable, toi. 5 étoiles. Ça dépend pourquoi. Ouais. Tania a pas l'air d'être sûre. Ah, j'ai rien dit. Ah, ouais. En reportage, la vie d'artiste en région, est-ce que c'est plus difficile qu'à Montréal? Ben, en fait, selon les trois artistes, c'est-à-dire Isabelle Clermont, Jeannot Bourneval et Marjane Decoste, il paraîtrait que tu peux quand même bien rouler ta bosse en région. C'est pas nécessairement facile, mais... Montréal, c'est pas plus facile non plus. Puis même Jeannot Bourneval, qui a collaboré avec beaucoup d'artistes, il explique que lui, il trouve son compte à vivre à Saint-Élie-de-Caxton. Oui, parce que tu sais, à Montréal, t'as plus de monde comme public, mais t'as aussi plus de gens qui sont artistes. Fait que ça, t'as le même pourcentage. Il explique ça exactement. Oui, il explique ça dans le reportage. Ça a bien du sens. Portrait d'improvisation, en fait, d'une nouvelle de la Luître cette année, Caroline Talbot. Oui, par Marianne Chartier-Boulanger, qui nous dresse le portrait d'une recrue de la Luître à tous les mois. À tous les mois. Et Caroline Talbot, c'est quelqu'un qui a jamais fait de l'impro avant la Luître. Ah, pour vrai, parce qu'elle est vraiment naturelle. Ben, en fait, elle a fait du théâtre. Ah, ben voilà. Et c'est Xavier McLeish, qui est justement de la Luître, qui lui a dit, ben, tu devrais faire le camp. Intéressant. Dans la chronique de cinéma, le gars qui parle de cinéma, ça c'est Louis-Étienne Villeneuve, nous parle un petit peu de Call Me By Your Name, le gros succès dans ce moment. Oui, ben, je sais pas si on peut appeler ça un gros succès public. D'estime. Oui, tout comme plein d'autres films qui vont être aux Oscars, mais Call Me By Your Name, c'est l'histoire, en fait, d'un étudiant en anthropologie qui tombe en fait amoureux avec justement en fait ce qui arrive c'est que c'est le fils du professeur qui tombe amoureux d'un des étudiants. C'est particulier dans ce contexte d'inconduite sexuelle qu'un film comme ça non c'est pas c'est deux c'est consentant quand même. Ouais non je sais. Ouais. C'est large entre les deux. Ah, ouais. Mais bon, il y a également, en fait, Louis-Étienne Villeneuve en profite également pour parler d'un festival de films du monde qui est organisé par le Tapis Rouge et par le Comité Solidarité de Trois-Rivières qui aura lieu à compter de demain. Oh, super. Jusqu'au 22. Ensuite, portrait d'un diplômé, un ancien de C'est fou, un ancien du Zone Campus aussi, Alexandre Gauthier, un homme rempli de projets. Ben oui, qui est devenu scénariste, il écrit notamment des épisodes pour Subito Texto. Oui. Et qui s'est beaucoup impliqué, qui a été en Californie peaufiner son métier de scénariste. Il est aussi. Très drôle en plus, ce gars. Oui. Puis très intelligent. J'ai rencontré en fait dans un petite anecdote comme ça, en fait, une finale régionale d'Expo Science. Ah ben, Colin! Ben oui! c'est normal. Parlant de toi, David, t'es allé à l'atelier presse-papier pour voir North of Myth. Oui, je sais pas pourquoi on dirait que le Yukon me parle, parce c'est que vrai. Là, j'ai fait une entrevue avec Sophie Villeneuve la semaine dernière qui habite au Yukon. Oui. Et là, on parle justement de l'artiste Joyce Majewski qui habite au Yukon. Et elle, son œuvre, c'est de faire en fait des reproductions numérisées du mythe de comment qu'on voit le Nord. Puis ce qu'elle explique, c'est pas juste le Nord polaire, mais c'est le Nord, par exemple. Si t'habites en Espagne, ben pour toi, la France, c'est au Nord. T'as bien raison. Donc, c'est la représentation du Nord que les gens se font. Tout est un point de vue. Oui. C'est vraiment ça. C'est ça qu'elle explique. Est-ce que t'as vu que Tourisme Yukon a sorti une nouvelle campagne publicitaire pour que les gens se rendent au Yukon? Peut-être que tu vas y aller un jour. Ouais, c'est parti comme ça. On va en sport, mais... Est-ce que tu vas faire jouer une tune de Yukon Gold? Hey, ça c'est une bonne idée, ça va être... T'as déjà choisi une chanson, regarde. Ah, ben oui. Bon, alors c'est Étienne Lebel-Michaud qui nous parle des Patriotes, encore une fois. Mais cette fois, de badminton, on est sur la bonne voie? Oui, exactement, parce que badminton, c'est une équipe qui existe depuis 5 ans. C'est sûr que c'est pas une équipe qui va faire tous les championnats mondiaux, internationaux et peu importe, mais c'est une équipe qui prend du galon tranquillement. C'est pas une équipe, c'est ça, qui va être féroce, quoi que ce soit, mais c'est une équipe, c'est ça, qui s'améliore, qui a des bons éléments aussi. Y a, par exemple, Bianca Chung qui a déjà été nommée Patriote de la semaine aussi. Donc, il y a quand même, ça monte tranquillement. Et on a Alexandre Brouillard qui nous fait un reportage sur l'implication dans la communauté des Patriotes. Oui, entre le sport et les études, les Patriotes ont le temps de s'impliquer dans la communauté, notamment pour le club des petits déjeuners, pour la guignolée des médias aussi, pour le défi des têtes rasées, le camp aussi. Bref, les Patriotes sont très, très impliqués. Pour eux, c'est très important de le faire, même s'ils sont hyper débordés. Sinon, on a un portrait, en fait, d'un étudiant qui est Vincent Pelletier, UR. Oui. Il faut jouer pour jouer. Que veut-il dire? Ce qui veut dire que si tu vas avoir une belle carrière au hockey, c'est qu'il y a une fin. Mm-hmm. Et que, oui, ça fait partie de ta vie, le hockey, mais en même temps, après ça, il faut que tu sois capable d'être psychologiquement apte à voir ça aussi comme un plaisir pour qu'après, quand c'est terminé, tu puisses faire une bonne transition. Ah ouais. Et jouer pour le plaisir ailleurs. Exactement. Ouais. Oui. Sinon, on parle de sport. Intramuros. Oui. Plus on est de fou, plus on joue. Oui, exactement, parce que c'est le CAPS et l'autre d'activité intramuros, parce que oui, il y a les Patriotes, mais les gens peuvent également faire du sport à l'QTR. Mm-hmm. Et il paraîtrait qu'il y aurait 9 équipes de hockey masculine intramuros. Wow. Entre autres, il y a du volleyball aussi, il y a une équipe de costume féminin aussi. Bref, c'est varié. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses à l'QTR, entre autres, des gens qui joguent sur l'heure du midi. Hey. Ben oui, c'est une équipe de joggeurs formés de professeurs, membres personnels, étudiants. Bref, toute la communauté étudiante est invitée à courir tous les midis. C'est un club de coureurs réguliers qui court à tous les midis, beau temps, mauvais temps, froid, chaud. Ils sont pas toujours déguisés en Père Noël comme sur la photo. Non, mais c'est une photo intéressante. Oui, ben c'est, oui, quand même. La course de Père Noël. Il faut comprendre que ce sont les mêmes personnes qui font la course des Pères Noël dans le temps des fêtes. Ben oui. Donc, si vous êtes intéressé à courir avec cette belle gang dynamique, bien tous les midis à l'entrée du CAPS. Sinon, on a un portrait de Laurence Vincent Lapointe, qui est une athlète quand même dans une classe à part, il faut le dire. Oui, une athlète qui est quand même pas pire, on peut dire ça comme ça. Aussi, hein? Qui est championne mondiale de canot de vitesse et qui a gagné plein de prix. Elle a gagné notamment le prix, si je me trompe pas, Tania, tu me confirmeras, justement de l'athlète féminine au gala hommage. International, oui. Oui, elle connaît ça par cœur. Ben oui, c'est utile d'avoir quelqu'un qui était dans l'organisation. Donc, moi aussi, je tripe bien sur le canot de vitesse, comme dans genre Zappé, Canal D... Canal V. Bouh! Canot de vitesse. Bouh! On fait aussi un profil d'un athlète patriote, c'est-à-dire Guy-Alain Fahey de la Côte d'Ivoire au Québec. Oui, donc justement, Guy Fahey qui est un athlète de l'équipe de soccer des Patriotes, et il explique aussi que il s'est toujours intéressé au soccer. Dès qu'il a appris à marcher, bien, il a dribblé un ballon. Mm-hmm. Ben, dribbler, c'est un gros mot, mais en tout cas, il a été dans la potion magique du soccer dès qu'il est né, et il a le temps également de s'impliquer dans sa communauté. Pour lui, c'est important aussi. C'est bon, ça. Ben oui. Voilà pour les sports, voilà pour le journal Zone Campus. Déjà. Vous pouvez retrouver en kiosque un petit peu partout sur le campus de QTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. C'est le numéro du mois de février. Le prochain sort le 7 mars. Déjà. Et il y a des articles sur le blog d'ici là. Oui. On travaille sur plein de choses, j'en suis certain. Oui, comme les deux nouveaux chroniqueurs sportifs. Est-ce que je peux les présenter? Oui, vas-y, faire. Mais oui, Antoine Ricard à la pointe. Oui, ben oui. Mm-hmm. Futur chroniqueur aussi à Assemblage. Oh oui! Voilà. Et également Jessica Marchand. Oui. Donc, deux étudiants en communication et vraiment très intéressant. Antoine va être plus sur le plein air. Oui, chroniqueur plein air. Oui, exactement. Va être chroniqueur plein air, tandis que Jessica va être plus sur le côté, sa vision personnelle du sport. Derrière les sports. Oui, exactement. Le portrait de certaines personnes qui sont pas nécessairement en lumière, mais qui méritent quand même d'avoir le petit spotlight. Ça a bien du potentiel, tout ça, ce petit zone campus-là. Ça, ah oui. Ça va finir par marcher, ça. Ben, ça marche des choses. Je sais, c'est une blague. Non, en plus, ben oui. Non, t'auras pas de mon de ma dégustation. C'est privé de bonnes choses. Oh, David qui va rester avec nous pour la chronique une grosse pointe en dresse tantôt. Ça me tente plus. Ben non. Zonecampus.ca, page Facebook, Zone Campus, tout ça est à jour quotidiennement, en tout cas plusieurs fois par semaine. Ben oui. Et le journal papier est disponible maintenant. Merci, David Ferron. Ben, ça fait plaisir. Chef de poupitre. On écoute une pièce dont tu nous as en fait parlé du band, oui. Medora, dans la chronique Arrêt Spectacle, dans la section. Oui, dans la section Arrêt Spectacle. C'est l'article des critiques d'albums de la part d'Audrey-Anne Clavet. Voilà. Et c'est justement l'album Medora. Et on va écouter la pièce Tsunami. Ça sonne un petit peu comme Tiramisu, Saint-Valentin. Pareil. Ouais, exactement. Les assemblages requis. Avec Tsunami, assemblage requis dans la chronique du journal Zone Campus. Dans quelques instants, enfin un petit peu plus tard, une grosse pointe en dresse. On va aussi avoir le blog des palmarès C'est fou en début de troisième heure. Donc on reste à l'écoute. Assemblage requis jusqu'à 10h. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Information, visitez cifou.ca. Yeah. techniquement le début de la troisième heure, mais en pratique, troisième heure et plus. Mm-hmm. 9h05 en ce jeudi matin, 15 décembre 2018. Tania est une fille précise. Tania Beaudin. Ouais. Oui. Ben oui. Ben oui, quand même assez précise. Puis moi là-dedans. Ben toi aussi. Mathieu Plante. Mathieu Plante, voilà. David Ferron qui est aussi avec nous. J'attendais qu'on dise nos noms. Oui, mais là, je pouvais pas deviner. On dit toujours nos noms. Oui, mais c'est parce que t'as commencé une phrase. Ouais, fait que je te laissais aller dans ta phrase. C'est vrai. Ah. Je fais ça des phrases, moi. Toi, toujours compréhensible. Mathieu Plante, puis toi, t'es Tania Beaudin, c'est ça? Ça ressemble à ça. Oui, oui, ouais, c'est vraiment ça. Puis ouais. Je pointe, puis je pourrais faire l'inverse, pourrais mais faire... vu que personne voit, je une peux faire n'importe chance quoi. Chance qu'on n'ait pas filmé à radio. Hein? Non. Sauf tantôt dans une grosse boîte en glace. Ah! Hein? Oui, ça sent bien. Tantôt, c'est notre. David. Crie pas dans le micro, OK? Fais des phrases comme moi. Voilà. Je vais à l'école. Oh, wow, je mange une pomme. Oh, my God, les boys. Hey. J'aime mon chat. Ah, oui! On est jeudi. On s'excuse à tous les auditeurs. Eh, boy. Tantôt, on va faire une grosse prétendresse. C'est notre mois sans alcool. Donc, encore une fois, on va goûter à quelque chose qui, normalement, serait alcoolisé, mais qui ne l'est pas. J'ai hâte de voir ce que t'as amené. Ouais, moi aussi. Tantôt, David m'a demandé, m'a posé la question. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai hâte de voir si ça va être bon. J'ai dit pas sûr. OK. Puis, tantôt, j'ai dit l'indice que la semaine passée, c'était super luxueux avec Tania. Ouais, la semaine passée. Là, ça l'est vraiment pas. Là, c'est vraiment pas. Peut-être que Tania a même déjà goûté, mais il me semble, je suis pas sûr. David, ça me surprendrait. Fait que tu sais, j'ai laissé assez d'indices. C'est intriguant. C'est intriguant. Tu sais, est-ce que c'est comme quand tu dis c'est tellement mauvais que c'est bon? Peut-être. Mais aussi, peut-être que c'est peut-être juste vraiment mauvais aussi. Oh. Ça dépend. Mais bon, avant ça, hey, c'est le moment d'aller rendre visite dans le petit coin de la pièce là, où personne va jamais. Pour rendre visite au palmarès, c'est fou. C'est le blog des palmarès, c'est fou. Aujourd'hui, on va savoir enfin qui sont les numéros 1. Parce que la semaine passée, ben, c'était les messieurs et Fever Ray qui étaient numéro 1 des côtés francophones et anglophones. Là, on est rendu à la semaine du 12 au 18 février 2018. Alors, on s'en va entendre les numéros 1. Et après ça, on va découvrir si on a eu raison de penser qu'ils étaient restés là. On sait pas. Des fois, on sait pas. Ça pourrait ne pas bouger. Tu as été built au soir, faut t'en faire. l'émission. Star cowboy used to be the one who let you down, let you down. I had no time for second chances, had no time to let you hang around, hang around. But I see the light come lay me down. Yes, I see. C'était le numéro 1 de cette semaine, du 12 au 18 février 2018. On a entendu en première position francophone Danny Placard et Payer tes bills sur l'album Full Face. Et en numéro 1 anglophone, c'était Etou Broussé avec The Light, un simple, évidemment. Mm-hmm. Ouais, c'était le blog des palmarès, c'est fou pour aujourd'hui. Oui. C'est cool ça. Mm-hmm. C'est très cool. Presque. Maintenant, c'est le moment de faire ce qu'on a envie de faire depuis le début de la semaine. David Ferron est toujours avec nous. Salut. Salut. Pour la chronique Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse. La chronique est tellement malpropre dans laquelle on mange ou boit un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, mais qu'on a gardé dans le tiroir pendant le reste de la semaine, depuis la dernière chronique. Et aujourd'hui, on a deux produits à goûter. Un de la part de David Ferron, et un de ma part. C'est le mois 28 jours sans alcool en ce moment. Et on s'est donné comme mission, Tania et moi, de trouver des produits qui sont normalement alcoolisés, mais qui, là, ne le sont pas. Exactement. Alcoolisés. Et après ça, ben, après, on pourra manger quelque chose que David a amené. J'imagine que ce serait un meilleur ordre que faire le contraire. Ouais, je suis d'accord. On y va à la bonne franquette. Hein. C'est ça. Bonne franquette. J'ai ça dans mon sac à dos, moi. Ok. Aujourd'hui, mon produit. C'est bien. Il faut que j'aille chercher ça au fond de mon petit sac à dos. Je savais. Tu savais, hein? Non, mais que David allait bouger, évidemment. Ah, c'est sûr que David. On essaie de faire de la radio visuelle. On essaie. Je filme pour utilisation ultérieure et David aussi. On va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai amené, et je sais que Talia y a sûrement goûté. Oui. Elle y a déjà goûté. C'est la Budweiser Prohibition, que moi, j'ai pas encore goûté et qui m'intrigue depuis quand même assez longtemps. David, est-ce que tu as goûté par un signe de tête? Non? Bon. Donc, c'est marqué dessus. La qualité Budweiser. Hein? Donc, voici la bière sans alcool authentiquement américaine. Créée pendant la Prohibition, cette bière sans alcool répondait aux besoins de ceux qui recherchaient le goût et la qualité Budweiser. Qualité Budweiser. Un siècle plus tard, sa douceur et sa légèreté font qu'elle est encore et toujours idéale pour toute occasion. De renommée mondiale, marque de commerce. Je cite des mots qu'il y a dessus. Amérique, Afrique, Australie, Europe, Asie. J'imagine qu'ils sont partout dans le monde. Budweiser, cuvée Prohibition, brassée avec les ingrédients qui ont fait la renommée de Budweiser. La meilleure sélection de houblon, de riz et d'orge maltée. Oh! Ça dit sans alcool en grosses lettres rouges. C'est évidemment brassé par Anheuser-Busch Inc. à St. Louis dans le Missouri et aux États-Unis. C'est écrit bière sans alcool avec arôme naturel. Arôme naturel. Mm-hmm. De bière. De bière, ah ben voilà. De malt, de houblon, de céréales, je sais pas moi. Les ingrédients, tiens. Bière désalcoolisée. Donc il y a déjà eu de l'alcool, mais qu'on l'a retiré. Ouais. Extrait de malt. Extrait de houblon. On a un extrait de houblon, justement. Okay, je savais, t'avais pas le sais, j'ai pas le choix. Arôme naturel contient de l'orge aussi. Donc voilà. Brassé par la brasserie Labatt. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Ça dit savourer à volonté. Ben oui, parce que c'est sans alcool. C'est sans alcool. Mais n'oubliez pas, c'est pas sans alcool que c'est 100 calories. Oh! Ah, ben quand même 120 calories pour une canette. C'est ça. C'est quand même... C'est bien. J'en ai amené seulement deux. On est trois personnes. Je me suis dit que c'était assez pour le matin. Ben, Et puis c'est lourd, de la bière dans un sac à dos. Ouais. On a amené juste deux. Quand même. Voilà, donc je te donne ça. Je t'en donne deux, en fait. Vu qu'on savoure à volonté, quand même. Bon, on a un micro magique qui nous attend. Qui va entendre avec nous l'ouverture de cette canette de bière. Ah, sont quand même fraîches, hein? Oh ouais, ben je sais. C'est dans le... Ils sont passés par dehors, l'hiver! Oh! Est-ce que ça mousse un peu? Un peu? Je crois qu'elles ont été légèrement brassées. Ah ben là, j'ai marché, c'est ça. Est-ce que vous aimez ça avec de la mousse, messieurs, ou quand pas même, de mousse? Quand même, okay. Un petit peu de mousse. Est-ce que t'as versé façon... Ouais. Comme une bartendress? Une bartendresse. On devrait les appeler comme ça, les barres tendresses de la chasse galerie. Oh, tu fais la petite technique de monter dans les airs. Ah ouais, je l'ai fait. Tiens, Mathieu. Merci, Tania. T'en as servi à David? Oui. À toi? Oui, merci, Tania. Mais moi, j'aime le bruit. David aime le bruit. Il aime ça s'entendre faire pipi aussi, je pense. Non, c'est ça. Non? Là, il en reste dans une canette, là. Bon, et j'en ai une autre ici. Alors, si vous avez vraiment soif, c'est ça. On verra. Avez-vous remarqué dans la salle de bain du pavillon des Rébauchemins, il n'y a plus de séparateur entre les urinoirs, fait que tu peux entendre le bruit d'une bière versée en tout temps quand tu veux y aller. Ça bloque pas le son, c'est tout. Bref. Bon. Odeur. Odeur. Ça sent la pisse, hein. Ça sent la bière pas d'alcool, je pense. Ça sent la bière pas d'alcool. Tu sais, David, si tu parlais dans le micro, je pense que ça irait mieux que si t'étais à 1000 pieds du micro. Tu sais, David a de la difficulté à faire deux choses en même temps. Ouais, hein. Moi aussi. Il s'apprête à faire trois choses en même temps devant un laptop. Et c'est pas pour rien qu'il a apporté des napkins. C'est ça. David, s'il y a quelqu'un qui a une gaffe à faire, j'estime c'est David. Que ça va être David. On va voir. Bon, odeur. Moi, ça va être Tania, je suis sûr. Ah oui? Ah ben oui, clairement. On va voir. Mais non, ça sent vraiment une bière, tu sais, désagréable, qui a un mauvais goût, genre la Molson Canadian. Mm. Ben, ça sent la bière Budweiser. Bud de gamme, tu veux dire. Ew. Budweiser. Est-ce que c'est ça que tu voulais? Oui. Bon. C'est pour ça que je l'ai amené. Okay. Oui, c'est ça. Une chance qu'elle est fraîche. Je chialais pas. Une chance qu'elle est fraîche. Tu parles de Tania ou de la bière? Ok, lui, il l'a déjà goûté. Genre. Non, David! Non, mais je la sens. Ok. Non, j'ai pas goûté. Mais t'as mais... pas mis dedans non plus. Là. Non, mais ben, je. Tu pourrais, ben, si tu veux faire. Ouais, fais-le donc si tu veux. Surtout de te filmer si tu le fais, par contre. Bon, donc oui, bas de gamme. C'est pour compenser pour le mousseux extrêmement luxueux de la semaine passée. Exactement. Okay? Allons-y. Allons-y. Et, hein, Ouais, ça. Zoom sur la face à Mathieu. Ouais, pas super froide, mais. Non, ça, c'est de la bière de. De, je sais pas, de petits parties entre amis où c'est pas trop grave de boire de la bière de mauvaise qualité parce que c'est pas ça l'important. C'est ça, exactement. Tu sais, quand tu veux te saouler. Ouais. Tu bois souvent de la Coors Light. C'est oui. Et bien ça, là, ça goûte si rien. Si toi, tu bois pas, amène ça. Ça goûte pas mal la même chose que de la vraie bière de basse qualité. Ben, tu vois, c'est ça que j'aime quand même avec les bières sans alcool. C'est que ça goûte quand même la bière. Parce qu'il y en avait à la base de l'alcool, ils l'ont enlevé. Exactement. Mais il y a un petit goût sucré, je trouve. Oui, ouais. Elle est plus sucrée que la bonne normale, je trouve. Oui, ben, contrairement aux autres alcools, ben, en fait, autres bières non alcoolisées, ouais. Là, je trouve qu'il y a un petit goût sucré qui fait en sorte que l'espèce de goût de tablette ou amer un peu ben, de la bière. En fait, c'est plus froide, il va moins goûter. OK. Ah. Ouais. C'est bien. Mais on dirait quasiment, je sais pas, ça me fait penser à des bières, tu sais, style bière, t'es glacé, tu sais, à FNAF. Oui. Ça me rappelle un peu ça. Ah ouais? On a déjà essayé une Radler au pamplemousse. C'est sûr que ça goûtait plus le pamplemousse ouais, que ouais, ça, ouais, mais il y a un petit côté agrumé un peu. Ben écoute, j'ai déjà passé une soirée complète à boire que ça dans un party, là, d'ailleurs. Ouais. Et je dois dire que, tu sais, au bout de 6, là... T'es tanné rare, hein? C'est ça. Ouais. Mais tu comprends que ça te saoulera pas. Mais tu dois te sentir pleine aussi. Ben tu vas... En fait, tu vas à la salle de bain autant de fois pour une bière sans alcool que pour une bière avec alcool. Ouais, est-ce que les problèmes d'estomac avec le houblon vont rester avec ça? C'est ça qui est le fun, hein? Ben tu vas quand même ballonner, ouais, oui. Ouais, c'est génial. J'ai hâte. Ben c'est surtout à cause du gaz. Ah oui? Et non pas du houblon. Ah ben, ça, le gaz causé par les gaz. Mais c'est odieux. Ouais. Quand je suis allé au dépanneur... OK. Pour commencer, hier, j'étais un petit peu pressé entre mon émission qui finissait à 17h et mon rendez-vous chez la massothérapeute à 18h. Mm-hmm. Et je me suis dit, OK, bon, je vais planifier mon affaire, je vais aller à l'épicerie, blablabla, après... Mais là, j'ai vu qu'il y avait un petit dépanneur miteux. Là où ma masso est située. Mm-hmm. Ben, miteux. Je m'excuse, c'est un peu méchant. Ouais. Un dépanneur, tu sais, classique. Un dépanneur de coin de rue. Un dépanneur de coin de rue qui n'est pas dans une grande chaîne. C'est ça, exactement. Ça bon. Bref, je suis allé là, je me suis un dit... Un dépanneur okay, de quartier. Dépanneur de quartier, c'est bien dit. Parfait, ça. Bref, tu vas acheter tes tops, là. C'est donc, je suis allé dans ce petit dépanneur chic et rustique du Cap de la Madeleine pour aller voir s'il n'y avait pas quelque chose sans alcool. Je me suis dit, c'est sûr qu'il n'y a rien. J'ai regardé toutes les bouteilles de vin, j'ai regardé toutes les bouteilles de bière, j'ai regardé tout ce qu'il y avait. Je suis allé dans le réfrigérateur derrière et j'ai vu ça écrit sans alcool dans une caisse de 12. J'ai demandé au gars, est-ce que je peux en acheter juste une? Il dit non. Mais j'ai regardé ailleurs puis j'ai trouvé le petit pack de 6. T'sais? Fait que là, je suis pogné avec 6 bières qui goûtent pas super bon. T'sais? Fait que j'aurais pu en amener plus, puis mais bon, peut-être une autre fois. Hein? Non, c'est correct. C'est pas assez bon pour en boire plus qu'un verre. Ben, faudrait voir mais avec... plus froide, honnêtement, Mathieu, elle est plus agréable en bouche. C'est quand même froide. Mais non, là, elle est température pièce. Mais faudrait voir... Une pièce froide. Hein? C'est avec des tranches d'agrumes. Ah, oh, c'est pire, non? Ah ouais, vous je trouvez sais pas, que c'est... Ça goûte déjà un peu agrumé. Ben là, c'est pas de la Old Garden. Ben, on ferait peut-être une petite blanche. Avec un petit peu de sel de céleri, là, et un parapluie dedans, serait parfait. Ben oui. Ben oui. On a dit que c'était bas de gamme, là. Ouais. C'est ça, bas de gamme? Le mousseux, c'était à se me passer de bien qu'être là. Ah, ça a tout... c'est vrai. C'est vrai qu'il a dit plusieurs fois que tu serais là, puis il est pas fou. Mais là, mais là, je suis là. On t'apprécie. Ouais, mais c'est peut-être l'air du matin aussi, en fait, qui fait en sorte que, tu sais... Mettons qu'il était alcoolisé, est-ce qu'on l'aimerait plus? On oublierait. Je suis pas certaine qu'à cette heure-là, je l'aimerais autant. Je sais pas, hein. On oublierait qu'elle est pas buvable. Je sais pas, c'est peut-être les préjugés que j'ai envers ce genre de bière Budweiser-là, mais je me mais quel genre de bière tu bois si tu bois de la bière? La Boréale? Ah, ok, ouais, déjà en partant. Ça a un goût plus fancy, un peu. Prononcé. La cuivrée, la rousse. Ah, c'est sûr que ombrée. Si tu bois de la rousse, puis là, t'arrives avec une bière comme ça, il y a de fortes chances que tu n'apprécies point cette petite mais bière sans alcool. Si Boréal, mettons, ils font de la blonde, puis de la blanche, ça, c'est considéré comme quoi? De l'albinos, genre, c'est quoi? Bon, ben, de la. Non, ça, c'est de la bière. Bière, pas de couleur. C'est ça. Non, en théorie, ça, c'est une blonde. Ben, ah oui. Mais il me semble que les bières commerciales, c'est pas mal toutes des blondes, ouais. Mettons, Molson. Tu sais, par Labatt. Exemple, si tu vas dans un restaurant et tu demandes est-ce que t'as une bière blonde, il y a de fortes chances que tu dises bien ici, j'ai Budweiser, Coors Light. Ouais. Tu sais, si elle a pas de bière un peu plus huppée. Huppée. Habituellement, ils ont de la Wii Card, habituellement. Oui, ben, c'est vrai, des fois, ça arrive. C'est bon, ça aussi, quand même. Ouais. Dans le genre. Bref, je vais laisser mon pouce sur le côté, moi. Ah ouais? Côté. Moi, je pense que pour, mettons, partir de fin de semaine, okay. Où t'as pas nécessairement le goût de boire quelque chose de gros, je vais y aller un pouce en l'air. OK, David? En fait, c'est meilleur que je pensais, donc pouce en l'air à cause de ça, de l'effet de surprise positif. Ouais. Ben, quand il y a une 2 sur 3, ça veut dire que vous gagnez, c'est un pouce en l'air pour la Budweiser Prohibition Brew. Hein? Qu'on vient de goûter ensemble dans une grosse pointe tendresse. Maintenant, on va prendre une petite pause. Au retour, David, on va continuer avec une deuxième dégustation pour la journée. Tu nous as amené quelque chose. Donne-nous quelques indices, s'il te plaît. Si vous êtes diabétique, tassez-vous. Est-ce que t'as cuisiné un gâteau encore? J'ai pas cuisiné. Non. Ah, t'as pas cuisiné? Non. T'as des talents quand même en cuisine. OK. Ça, quand je veux. Si vous êtes diabétique, tassez-vous. On dirait que ça m'effraie quand David amène de quoi. Hey. On dirait que ça vous a traumatisé l'épisode du gâteau. Ben vraiment. Oui, hey, on s'entend dessus. Là, pour ceux qui savent pas de quoi on parle d'un potluck qu'on a eu il y a 2 ans. Et on s'en rappelle encore. Et la vidéo est sur la page Facebook encore. Ah, David avait concocté un gâteau, ma foi... Il y avait des whippettes là-dedans, je sais pas trop. Gigantesque. Et clairement beaucoup trop sucré pour la cause. Et on a mangé probablement genre un dixième. C'est ça. On a mangé une bouchée. Genre. Ouais, c'était en j'ai masse. Goûté. Bref, pause et au retour, le produit que David nous a apporté. C'est une version allégée de mon gâteau. Oh, wow! OK, reste là. FM 89.1 FM. Nobody made money in paradise. What you see is what you get. No one's caught the big one yet. Glittering scales and bearing fangs. The team is blasting off again. I can't take it, I won't make it. I'm so terrified. Can't believe it, I won't leave it. You're just what I crave. On a lake. And as I turn the page, it sinks to the bottom of a lake. Oh. I can't take it. The Roddy Rockets avec Lake of Rage à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment d'une deuxième portion d'une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse bonne adresse, la colline dans laquelle on mange quelque chose qui a pas d'allure, qu'on devrait juste pas goûter parce que c'est malsain pour nous, mais on fait à nos têtes. Parce qu'il y a personne qui va nous dire quoi faire, t'es pas ma mère. Hein? David Ferron qui est avec nous pour cette chronique-là aujourd'hui, qui nous a apporté quelque chose dans son petit sac d'épicerie, là. Oui. Hein? C'est cute, c'est quelque chose de la table. Son petit sac d'épicerie. Énorme. J'ai à dire que c'est ma boîte à lunch. Oui, oui, c'est oui. C'est surtout ça qu'il faut prendre en considération. Dans sa boîte à lunch... slash sac d'épicerie. Tu sais, la chanson thème, là, la petite boîte. La petite boîte. Lui, c'est comme l'énorme boîte, l'énorme boîte, l'énorme boîte à lunch. Parce qu'il y a comme l'équivalent de 3 à 5 jours ouvrables, je crois, de nourriture dans son sac, mais pour une journée, c'est ça? C'est en plein, ça. Vous jugez. Oui. Ben oui, on juge clairement. As-tu on vu fait ton sac? Rien d'autre. À moins que t'aies genre de la glace pour un étage complet là-dedans. J'ai un ice pack. Un ice pack? Pour oui. garder tout ça au froid? Oui. OK. Peut-être. Qu'est-ce que t'as amené, David? Va, ramène ton sac à la table right now! Va chier! J'aime mon chat. J'aime mon chat. C'est sa phrase par rapport à la journée. OK. Donc, ton gros sac noir en genre de faux... on dirait quasiment du cuir, mais c'est pas du cuir, c'est du plastique. Ben oui. Ouais. Comme une boîte à lunch. Je pense que les gars, sa construction, man, avaient même pas autant de bouffe ben sur le chantier. C'est sûr. Prends le micro magique pour ouvrir ta sacoche, je pense. Fais une sacoche. Ton sac de bowling. Hey. J'espère pas que t'es pas en train de filmer le sac. Ben oui. Ben, clairement. Monte tes pantalons, David, viens. OK. Ouais. OK, il est pas si rempli que ça, son sac, finalement. On veut voir ce qu'il y a dedans, David. David, qu'est-ce que tu fais, là? Il est 9h36. Je dévoile peu à peu parce que la surprise se retrouve dedans. OK, donc un pot de Rubbermaid, c'est pas ce que t'amènes. Non. Deux bananes, c'est pas ce que t'amènes. On a déjà fait la banane de la semaine, là, 4 ans, c'est assez. On va vraiment énumérer son lunch au complet, genre. C'est pas les petites carottes, bébé. Est-ce que vous êtes prêts à avoir la surprise? Ben, je sais pas. Mais on attend juste ça. Ah, je l'ai échappé. Non. Dans le sac. C'est vraiment de la bonne radio. C'est-tu un Deep and Delicious? On dirait un Deep and Delicious. Je te donne 3 secondes. 3. Allez, David. 2. 1. C'est des petits cupcakes. C'est comme des éclairs au chocolat cupcake. Spécial Saint-Valentin. Oh, wow. Ça a l'air extraordinaire. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Ouais. Parle-nous-en un petit peu. Décris-nous. Fais comme je fais d'habitude pour décrire le produit. Ben, c'est ça, comme le si bien expliqué Tania, c'est comme des éclairs au chocolat, mais extra avec la petite garniture Saint-Valentin. OK, des petits copeaux de petits... Des petits cans. Bonbons, des petits cans. Des petits cans. Ouais, avec... c'est ça, c'est comme des mélanges entre des beignes puis des éclairs. OK, OK. Est-ce que t'as d'autres choses, genre des ingrédients, une compagnie, quelque chose? C'est Maisonneuve et Fils. OK. Ça s'appelle en fait Neuf beignes chocolat vanille. Oh! Et les ingrédients, je sais pas si c'est une bonne idée de les lire. Non, sûrement non, pas, non. Vraiment pas. S'il y a des calories, dis-le pas non plus. Ils viennent voir les calories. Hein. OK. Ouais. Une chance que j'ai un bon métabolisme. C'est ça. Bon, donc est-ce qu'on ouvre ça? Ah, faut que tu serres tes petites carottes, ouais. Les bananes. Oui, pour maintenir le suspense. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est du yogourt qu'il y a là-dedans? Un petit peu? Oui. OK, ferme ça dans le micro magique. Zoui. Et voilà, tout est inviolable là-dedans. Ouais. Personne ne va aller voler ça. Oui. Bon. Et on ouvre les beignes mélangées, chocolat, vanille. C'est énorme comme grosseur. C'est vraiment gros, ouais. C'est beau, par contre. OK, est-ce qu'on fait la distribution de tout ça? David? Ouais, ben, je vous conseille de les prendre avec vos mains. OK. OK, est-ce qu'on prend une napkin, mettons, pour le prendre? Oh, oui, mais moi, je vous les donne pas avec mes mains. Non, mais c'est bien, J'ai cherché la plus petite. Eh boy, oui, allez le chercher avec vos mains, mais bonne chance de réussir à le prendre. Ouais. C'est comme vraiment des choux à la crème. C'est tellement bon, des choux à la crème les en plus. Les petits bonbons dessus, ils ont l'air pétillants. Ah, est-ce que tu penses que c'est... Est-ce que tu penses que c'est des Pop Rocks? Est-ce que tu penses que c'est les trucs qui vont faire des petits bruits dans nos bouches? Je sais pas. Parce que c'est ça, ça va être vraiment le fun là, comme concept. C'est vrai, ils ont même pas la même grosseur. Non, non, mais c'est correct. Ça veut dire que c'est fait de manière artisanale. Ah non, David, artisanale. T'as le plus petit. Donne-moi le plus petit. Ben, j'ai touché. Ouais, il a touché. Ça n'arrange pas. Non, j'ai touché. Puis mes mains sont pas propres. Ben, tu mangerais la moitié du reste, OK? Bon, hey, on mange. OK, t'in. Merci. Oh, des vrais enfants. Bon. Et voilà. Moi, je vais manger avec ma serviette pour être sûr de pas faire de dégâts. Oui. Bon. Je pense que finalement, en termes de grosseur, ça s'équivaut pas mal. Est-ce qu'on mord? Ben, je crois qu'il faudrait... Ça ressemble un peu à une Bang Boston, pour ceux qui se posent la question. C'est vrai? Ouais. On y va? Allons-y. Ah, mon Dieu, c'est tout croche. À date, j'ai juste de la pâte. J'ai pas encore la vanille dedans. À date, j'ai juste du sucre. À date, c'est un petit peu sec, le gâteau. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est le gâteau ou bien si c'est le chocolat sur le dessus qui a comme créé une petite couche croquante. Mm-hmm. Le sentez-vous? Mm-hmm. Un peu, ouais. C'est le glaçage du chocolat. Le glaçage est figé, ouais. C'est pas des Pop Rocks, finalement. Non, c'est du sucre de couleur. Il y a pas énormément de crème dans le milieu. Non, c'est ça. Un petit peu de crème. Ben, un peu. Elle goûte pas tant la vanille. Non, c'est ça. Mais ça dépend aussi de quel t'as pris. Sûrement qu'il y en a qui ont plus de crème que d'autres. Comme tu l'as dit, David, c'est fait à la main. Mm-hmm. En tout cas, ça a l'air fait à la main. Mais les grosseurs sont différentes les unes des autres. Ça remplit un trou quand même, hein? Quand même. C'est très, très bon. Ah. Très puissant en sucre, tu sais. Ah, vraiment? Oh, moins plus faim. Ah non, t'as tellement faim, là. David, fais pas semblant que t'as pas faim. Mais David fait toujours semblant qu'il a pas faim. 30 secondes après, il mange. Oui, non, non, non. 30 secondes après, il l'échappe. Il rattrape et il mange. Ouais, mais c'est pas exactement. Bon le gaspillage. Ouais, c'est honnêtement, là, comme j'ai l'impression d'avoir bu deux espresso. Mais c'est des grosses bestioles quand même. C'est des très grosses portions. Ouais. Mais bon, c'est bon. C'est l'important. C'est très sucré. Je sais pas comment ça pour en manger 9 si c'était pas une famille de 4-5 personnes. Moi, je vais mettre mon pouce sur le côté. Okay. Parce que le goût de la petite mousse en dedans est zéro à la vanille, ben, c'est juste au sucre. C'est ça, ça goûte pas assez ce que c'est supposé goûter. Le chocolat non plus goûte pas tant que ça, le glaçage. J'aurais aimé plus de glaçage. Mm. Ouais. David va juste pouvoir faire des « parce qu'il a mis tout le muffin. Tu l'as mis d'un coup? Ben, genre le 3/4, 2/3. Oh dans sa bouche. bref, donc c'est par Maisonneuve et Fils. C'était petits éclairs, chocolat et vanille. Moi, j'aime bien. Je vais garder mon pouce sur le côté là-dessus aussi. Je suis conservateur aujourd'hui. Moi David, aussi. Côté, trois fois sur le côté. Parce que c'est ça, le côté crème fouettée à l'intérieur, j'aurais voulu que ça soit plus prononcé. Là, j'ai trouvé ça un petit peu pâteux. Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, ben, crème, le verdict est rentré. Hein? Trois fois sur le côté pour ces éclairs-là. Maintenant, comme on a terminé nos dégustations de deux choses, on va pouvoir peut-être caler une petite bière sans alcool pour... je savais, David avait déjà la main sur le verre. J'avais même pas commencé à dire qu'elle allait caler ça d'un coup sec. Vas-y, je veux voir le mélange entre le gâteau puis le... Ah, pas sûr, moi. Quoique la petite pâte à choux, peut-être que ça va bien, ça. La pâte à choux. C'est bien bizarre. Décris. Mais ben, tu sais, on disait qu'il y avait un petit goût sucré hein, tantôt dans la bière. Chimique. Oui, en effet. On dirait que ça ressort dans le nez un petit peu. Ah oui, c'est sûrement parce que t'as mal bu, ça. Ouais, exactement, je bois par les narines. C'est ça. Comme ton chat qui est en même temps. Oui, j'aime mon chat. Hey boy. Maintenant, ça va être le moment de parler de nouvelles de fast-food, comme on le fait toujours. Hein, on n'a pas le choix. On va commencer avec du chocolat, hein, justement. Godiva, qui crée une controverse au Japon en demandant aux femmes d'arrêter d'acheter des chocolats pour leurs collègues de travail. Ben voyons, non. C'est une coutume de la Saint-Valentin, là-bas. Saviez-vous ça qu'au Japon, ils faisaient ça? Non? Non. Non. Donc, Godiva qui fait des vagues au Japon ce mois-ci en questionnant la tradition japonaise de la Saint-Valentin où les femmes doivent acheter un giri choco. Ou un chocolat obligatoire pour les collègues de travail masculins comme remerciement pour leur soutien et leur coopération pendant l'année. C'est vraiment ce qu'ils font. Donc, le chocolatier belge qui a passé une publicité pleine page le 1er février dans le Nihon Kaizaki Shimbun, un journal financier, où le président de Godiva Japan, Jérôme Chouchan, suggérait que le girishiko est une pratique antique et devrait être retirée. Ce qui est probablement approprié comme commentaire, étant donné qu'on est en 2018. remercier les collègues masculins de les laisser travailler, genre, c'est pas, ouais. pas le meilleur message au monde. Mais bref, après ça, les hommes retournent la faveur en donnant aux femmes des cadeaux platoniques un mois plus tard lors de la journée qu'on appelle White Day, donc la journée blanche. Godava trouve tout ça, trouve que tout ça manque de goût, hein, et demande aux femmes de suivre leur cœur à la place, même si ça veut dire de se récompenser elles-mêmes et leurs amis à la place de leurs collègues de travail masculins. Il y a une publicité journal, il y a aussi une publicité télé que vous pouvez aller retrouver sur assemblagerequis.com. Ils appellent ça maintenant le Galentine's Day. Oh pour boy. Les femmes modernes. Oh. Pas pire. Ensuite, Einstein Brothers, c'est une compagnie bagel qui fabrique des bagels en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Oh, oh c'est cute, hein? Ils offrent en trois saveurs cette année. On peut commander donc un bagel aux brisures de chocolat, un bagel aux cranberries, canneberge, ou nature. Il n'y a pas de plein goût, malheureusement, hein, parce que l'amour, c'est pas plein de goût. Hein. Tristesse. On peut les précommander, ben on pouvait les précommander du 13 au 14 février, hein, c'est pas mal hier. Et si vous voulez, vous pouvez aussi passer, si vous êtes aux États-Unis, dans un dans une boutique Einstein Brothers pour acheter vos bagels en forme de cœur. Ensuite, on continue chez Red Lobster qui offre un nouveau macaroni au fromage au homard. Ça fait partie de leur Lobster Fest 2018 annuel. C'est le Lobster Truffle Mac and Cheese. Ooh! Oh, que oui! Donc, le nouveau Lobster Truffle Mac and Cheese, c'est des homards du Maine et des langoustines avec des pâtes cavatappi dans une crème au homard, fromage et truffe avec une sauce parmesan. Du panko parmesan, donc des miettes de pain japonais. Hein. T'as aussi le Dueling Lobster Tails, le Stuffed Tilapia et un paquet d'autres trucs comme ça. Mais bon, je vous épargne les détails, mais c'est aux fruits de mer et ça a l'air délicieux. Ensuite, ça, j'ai vu passer ça sur Facebook parce que Facebook me connaît. Ils savent que j'ai envie d'acheter du Baileys fraise et crème. C'est tout nouveau en ce moment. Okay. Je sais pas si quand vous étiez jeune, en tout cas moi, ma grand-mère faisait ça. Fraises et crème, c'était des fraises pilées dans de la crème. Ben oui. Et tu trempais du pain là-dedans, c'était super sucré. Ah, du pain, super ok, bon. Non, moi j'y allais pas de même. À cuillère direct. Avec une paille. C'était sur des tartes. Une grosse paille de slush. Sur des tartes, miam miam miam. Ah ouais, sur des tartes. C'est vrai. Mais bref, donc Baileys qui sort Strawberries and Cream. Superbe bouteille, très très rosée, très adorable. Et leur petit cupcake à côté aussi aux fraises pour accompagner ça, c'est magnifique. Donc la compagnie de liqueurs a sorti sa variété Strawberries and Cream en édition limitée, parfait pour les drinks et les recettes. C'est un mélange de la crème irlandaise normale de Baileys avec un petit peu de fraises et de vanille. Nouvelle saveur qui est évidemment pas pour tout le monde, mais ça pourrait faire d'excellents lait frappé, des gâteaux fromage, hein, de la mousse. C'est ça. C'est donc Baileys Strawberry and Cream qui est disponible, en tout cas, aux États-Unis jusqu'en avril. J'imagine que ça va venir parce que toutes les saveurs à date que j'ai vu passer de Baileys finissaient par arriver chez nous. Attention, mon tigre. Pardon. Ensuite, on parle de crème glacée mash-up un petit peu. Tout le monde aime ça, les mash-up, les choses mélangées ensemble, le sucré salé. Bon. Ici, on mélange le sucré avec le sucré. Le salé? Non. Sucré salé? Non. Non, le sucré. Okay. Avec le sucré, oui. Ah, j'aimerais ça. Avec de la crème glacée Breyers Oreo et Chips Ahoy. Oh! Hein, ouais. Mélangé ensemble. T'as aussi, bon, on les connaît moins eux ici, mais la version Heath avec Waffle Cone et la version Snickers et M&M Minis. T'as aussi des Reese's mélangés avec des Reese's Pieces, qui est pas mal la même chose. Mais bon, hein? double beurre de pin, si on veut. C'est donc par la compagnie Breyers, des crèmes glacées de mélange de saveurs ensemble. On voit pas l'intérieur du pot, donc on sait pas si c'est séparé en deux dans le pot. Mais d'après moi, c'est qu'il y a des morceaux d'Oreo et des morceaux de Chips Ahoy dedans, etc. Ça a l'air très bon. Ensuite, le quartier latin va avoir son propre petit bar hyper canadien avec même une tête d'orignal. C'est le Saint-Mousse. Est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Mousse dans le quartier latin? C'est près de Saint-Denis, un bar très patriotique, nous dit-on. Ça prend l'espace de l'ancien Loup-Garou. Donc, tout plein de Canadiana là-dedans, donc d'artefacts canadiens. Ça vient du duo de Darren Roy, l'ancien du Loup-Garou et du bar Sofa Bar sur le plateau, et Jonathan Richardson du snack bar italien Fiorellino. Donc on dit que ceux qui cherchent un chalet, un genre d'ambiance chalet boisé, très très accueillant, apparemment que c'est l'histoire derrière le Saint-Mousse, avec des vodka, gin, whisky et rhum canadien, et un décor très canadien aussi avec les têtes d'orignal. Et donc c'est pas mal l'idée d'aller prendre des selfies canadiens dans ce bar à Montréal. Belle place quand même. Hein? Ils veulent faire pub canadien. Ah ouais? Ensuite, ça c'est vraiment le fun, c'est sur le blog de dudefoods.com. Pour ceux qui connaissent pas trop Dude Foods, ils prennent des recettes et les rendent les plus genre viril possible et plus doude possible. Ouais. Donc, ils ont créé leur sandwich aux crottes de fromage, au petit fromage en grains. Ouais. Ça a l'air vraiment bon parce qu'apparemment que le fromage normal qui est dans ton grilled cheese, à côté, c'est comme, mettons, pain, tranche de fromage, crotte de fromage, puis le pain, c'est que le fromage va venir fondre entre le fromage en grains pour créer un mélange qui est absolument délicieux, dit-il. La vidéo rend ça vraiment charmant. Donc, allez voir la recette si vous avez besoin, mais sinon, mettez des grains de fromage dans votre grilled cheese. Ensuite, on parle souvent de manger moins vite. Je pense qu'on en parle quasiment à chaque semaine de ces temps-ci. Oups! Ouais, tu manges vite et beaucoup et souvent. C'est ça que tu veux dire, hein? Non. Il y a une nouvelle étude japonaise sur près de 60 000 patients diabétiques qui montre que ceux qui mangent lentement sont plus minces, David. Hey, tu vas disparaître. un repas pris au ralenti permettrait d'arriver, d'arriver plus efficacement à satiété. Alors, pour perdre du poids, il faudrait manger moins vite, disent-ils. Ceux qui ralentissent le rythme auquel ils mangent ont tendance à perdre du poids selon une recherche effectuée sur des diabétiques publiée par la revue BMJ Open. Comme j'ai dit, 60 000 personnes, et ça montre un lien entre la vitesse à laquelle les participants déclarent avaler leur repas et l'évolution du poids. Des changements dans la vitesse à laquelle on mange peut entraîner des changements dans l'obésité, l'indice de masse corporelle et le tour de taille. Des interventions visant à réduire la vitesse des repas peuvent être efficaces pour prévenir l'obésité. Elles se sont intéressées aux dossiers médicaux entre 2008 et 2013 de 59 717 personnes atteintes d'un diabète de type 2, une maladie qui résulte bien souvent d'un problème de surpoids. Les personnes disant manger lentement, c'est 7% des personnes qui ont été étudiées, avaient dès le départ un tour de taille moins élevé en moyenne. Seulement 21,5% étaient en surpoids, donc avec un IMC supérieur à 25. Chez les personnes qui disent manger à une vitesse normale, 56%, et vite, donc 37%, le surpoids était plus fréquent, avec respectivement 36,5 et 44,4, et elles avaient un IMC plus élevé. Mais surtout, ceux qui ralentissaient avaient tendance, selon les chercheurs, à perdre du poids. Deux autres conseils alimentaires le permettaient aussi, ne pas manger après le repas du soir, ni dans les deux heures qui précèdent le coucher. Ah, OK. D'autres détails là-dessus. Le problème reste est de savoir comment inculquer efficacement l'habitude de manger lentement, selon les experts dans le domaine. Ensuite, pour la Saint-Valentin, Burger King a joué les entremetteurs. Oh. C'est cute, hein? Donc, Burger King qui a joué les entremetteurs en s'associant à l'application de rencontre Happn à travers une campagne 100% numérique. Donc, concrétisez avec votre crush du jour en l'invitant chez Burger King. C'était ce qu'il proposait, hein, parce que la première rencontre, tout le monde va aller chez Burger King. Clairement. Bien sûr. Donc, le 14 février, pour un menu acheté, on vous offre celui de votre crush Happn du jour. Alors, n'attendez plus pour briser la glace et télécharger Happn dès maintenant et rendez-vous dans votre Burger King. Hein? Miam, du bon Burger King avec du fromage en plastique, peut-être. Mais ils ont quand même le taux Burger King. Tu t'en sais à penser à des campagnes comme la neutralité du net. C'est vrai, c'était eux autres, ça. Ça, c'était vraiment fort. Ouais. Pepsi devrait prendre conseil de Burger King. Ah, ouais, Pepsi, leur histoire de Kylie Jenner. Hein, entre autres, aussi le truc des chips, parce que c'est la même compagnie. Oui. Pour les chips pour femmes. Tu sais que c'est du fake news, ça, je n'ai parlé la semaine passée. Ben, en fait, c'est un test marketing. Ouais, c'est pas pour les femmes spécifiquement, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de se tacher les doigts. Oh, mais la présidente a vraiment lancé ça comme un test pour voir les réactions, de voir comment... Exactement. McDonald's maintenant, qui sort son Bling Mac, une bague. Une bague avec un Big Mac dessus. Oh hein? Boy! C'est pour la Saint-Valentin, encore une fois. Vous connaissez les Big Mac, vous connaissez le grand Big Mac maintenant. Il y a le Big Mac Junior en ce moment dans les McDonald's canadiens. Ben, pour pas avoir de calories du tout, hein, vous pourriez vous procurer cette Bling Mac. C'est donc une bague d'or 18 carats avec 7 étages de bijoux qui représentent les ingrédients du Big Mac. Évidemment. Il y a même un saphir orange qui représente la sauce spéciale du Big Mac. Ah ouais. C'est un concours qu'on a en ce moment. Bling Mac Contest, c'est le hashtag sur Twitter, entre autres. Et on dit qu'un seul fou de burger va gagner ce Bling Mac, un design de Nadine Gosen, valeur de 12 500. Et tout le monde peut jouer aussi au jeu Big Mac Hero de chez McDonald's. C'est un jeu 8-bit qui fait la promotion de tout ça en ce moment. Donc allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Hein? Wow. Ensuite... Ça, je trouvais ça cool quand même. C'est un restaurant américain qui s'appelle Qdoba, Q-D-O-B-A. C'est que si t'achètes une entrée gratuite, tu vas avoir droit à une deuxième entrée en échange d'un baiser. Oh! Qdoba for a kiss. C'était à la Saint-Valentin. Donc hier, on pouvait avoir une entrée gratuite lorsqu'on achetait une entrée et qu'on partageait un baiser avec n'importe qui, littéralement n'importe qui dans le restaurant, dans des endroits participants, donc de la chaîne Qdoba. N'importe quoi, ça pourrait être embrasser ta main, une photo, de l'argent. Quelqu'un à la table d'à côté, peu importe. Et évidemment, la deuxième entrée doit coûter moins cher que la première. Ben oui, clairement. Et c'est la septième année que la chaîne fait ça et c'est la première fois que j'en entends parler. Donc, Q de bas aux États-Unis. Ensuite, continuons avec le. Est-ce que je pense que je vais sauter à celui-là, Lucky Charms, qui va enlever le sablier de ses guimauves. Il y avait un sablier dans le goût. Ouais, c'est exactement ça. Donc, les sources ont confirmé les rumeurs. La guimauve, ou le guimauve en forme de sablier, va disparaître des boîtes de ses céréales Lucky Charms. Introduit en 2008 seulement, le sablier est en fait le plus récent ajout au guimauve de Lucky Charms. Et comme tu l'as dit, ça paraît pas vraiment ben que non, c'est pas un du tout. Sablier. Mais bon, bref, on a parlé de ça, le fait qu'ils avaient ajouté un sablier dans une campagne publicitaire de Lucky Charms. Mais bref, on va le retirer. Mais qui a eu l'idée d'inventer des Lucky Charms déjà en partant? Mon héros. Mon héros. Le pape. Oh boy. Je sais pas. Bref, on dit que les rumeurs qui disent que ça fait peut-être partie de la guerre contre les couleurs artificielles chez General Mills. Est-ce qu'on va voir les autres guimauves changer, disparaître, remplacer leurs couleurs? Je sais pas trop. Mais bon, pour l'instant, plus de sablier. McDonald's au Japon qui sert un nouveau frappé avec sur le dessus un cornet de crème glacée rempli de popcorn au caramel sur votre frappé. Vous avez bien compris? Oui. Donc c'est le caramel popcorn frappé. C'est un cornet vraiment littéralement rempli de popcorn au caramel et tout ça c'est dans un frappé avec un coulis de caramel. Tout ça au Japon. C'est de l'espresso, du sirop de caramel, du sirop de popcorn. Sirop pour popcorn, pardon. Un mélange de lait et de glace et de la crème fouettée, à savoir le caramel et une sauce de caramel. Et c'est vraiment beaucoup trop de caramel, même si j'adore ça. Là, c'est comme wow, minute. Michel Obama doit se dire qu'est-ce que j'ai fait pendant 8 années? J'ai travaillé pour rien. Pour que les gens arrêtent de manger des affaires comme ça. C'est dans leur nouveau menu McCafé by Barista. C'est un nouveau concept qui ressemble un petit peu à un café Starbucks avec un comptoir spécifique seulement pour le café et les trucs qui sont rattachés à ça. Voilà. Donc ça, c'est chez McDonald's. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Pour la chronique, une grosse pointe d'adresse. Ah, oh. Hein? Oh, je sais. C'est comme ça. Faut arrêter à un moment donné, là. Hein? David va pouvoir aller continuer à manger ses petits choux à la crème. Oui, non. Il reste 5. Tiens, Tania, ça me non, fait plaisir. Non, merci, c'est très gentil, mais j'en veux Elle absolument pas. Et avant gars. Que tu ne fasses tomber tout autour, garde-les. David, garde ça de ton bord. Non, mais là, il est dans un bar, dans un côté neutre. Je te surveille, moi. Il est incroyable. Ah, David, ce David. Merci d'avoir été là pour ta chronique. Pour la chronique, il faut ta chronique. Hey. Ça fait plaisir, mais ma boîte à lunch est un peu triste. La petite boîte. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Voilà, on va finir l'émission d'aujourd'hui là-dessus. C'était bien plaisant d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Véronique Mir pour sa Véroniclopédie. Merci à David Ferron pour la chronique du Zone Campus et pour sa participation à une grosse bonne adresse. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, l'émission, évidemment, nos meilleurs moments de la semaine dans l'édition Weekend. Ça commence à 7h, comme toujours. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, on va à 13h pour la rediffusion du Mathieu Plante Show. Après ça, on va à 16h pour la rediffusion du Prétexte. Après ça, on est de retour en direct pour la sortie de secours à votre gauche, l'émission d'affaires publiques avec Sébastien Gartin et Lucas Hubert. Ça, c'est à 18h. Et puis à 19h, Denis Baudin sera là pour Très Blues. Ah, c'est fou! Ouh, grosse journée! CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados-diffusions. On se retrouve demain 7h. Bonne journée! Bon café, tout le monde! Bye! Bye.